couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 7, épisode 2. Je procède au rappel traditionnel de cette émission. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire à l'adresse suivante, dempart@setemplar.com. Je répète, dempart@setemplar.com. La nouvelle adresse du site aussi, puisque nous sommes régulièrement censurés par le gouvernement français et également les organisations juives qui contrôlent ce même État. Nouvelle adresse, démocratie-participatif.digital. Je répète, démocratie, bon évidemment c'est dans la barre URL, donc il n'y a pas d'accent sur démocratie. Donc démocratie-participatif.digital. Faites circuler, s'il vous plaît, à vos contacts la nouvelle URL. Encore un certain nombre de nos auditeurs, hélas, n'ont pas de VPN, si bien qu'ils ne peuvent pas accéder au site quand ils sont censurés, quand il est censuré. Mais, vous le savez, la censure va s'accentuer. Donc, ayez un temps d'avance, dotez-vous d'un VPN. Et si vous n'avez pas envie d'investir dans un VPN, vous pouvez toujours télécharger gratuitement le navigateur de Tor. Tout simplement, Tor, download, hop, sur téléchargement, Tor, sur Google. Vous l'avez gratuitement, vous pouvez surfer anonymement et vous pouvez accéder tout de suite au site. Et on a aussi un oignon Tor pour surfer en total anonymat sur le site. Donc voilà, tout est accessible si vous le souhaitez. Le forum Europe Écologie Les Brins, EELB.su. Adresse très simple, EELB.su. Vous pouvez commenter les émissions, commencer les articles d'actualité. Vous pouvez alimenter le guide racial des villes, parler de crypto-monnaie aussi, etc. Ça, des tas de questions qui peuvent se poser aussi pour ce qui concerne l'informatique. Il y a souvent des questions. On a des gens assez pointus sur le forum, donc n'hésitez surtout pas. Présentation des membres de la semaine pour cette deuxième émission de la 7e saison. On commence tout de suite avec Pierrot. Salut Pierrot. Salut Gandalf, salut à tous. Hi Hitler. Hi Hitler, tout à fait. Est aussi cette semaine avec nous, comme toutes les semaines, Fulbert. Salut Fulbert. Bonjour Gandalf et bonjour à tous. Est aussi cette semaine avec nous Alex. Salut Alex. Salut Gandalf, salut tout le monde. Et enfin, cette semaine aussi avec nous pour cette nouvelle année 2022, le cardinal Derrick qui nous fait le plaisir de nous rejoindre. Il a des choses à dire, le cardinal, il est plus que remonté. Salut cardinal. Oui, salut Gandalf, salut à tous les auditeurs, bonne année. C'est la première année pour moi. Oui, je suis un petit peu irrité, on va dire. Donc, irrité. Oui, voilà. On verra ça un petit peu, je pense, au cours de l'émission. Tout à fait, ça risque. Alors, messieurs, avant d'entamer l'émission en tant que telle, on va remercier les donateurs, bien sûr, de l'émission. dont numéro 1, comme vous le savez, attendez, autant pour moi, comme vous le savez, vous pouvez soutenir l'émission, soutenir le site internet et le forum aussi, bien sûr, et tout ce qui pourrait se faire éventuellement plus tard, en nous faisant des dons par crypto-monnaie, exclusivement par Monero. Monero qui est une crypto-monnaie qui garantit l'anonymat. C'est sa qualité première, donc elle garantit l'anonymat de ceux qui donnent, de ceux qui reçoivent, ainsi que le montant qui est transféré. Avantage considérable dans cette ère de censure absolue qui empêche ceux qui veulent faire entendre leur voix d'accéder évidemment à PayPal, aux cartes de crédit, à Stripe et à toutes les applications possibles et imaginables qui permettent en temps normal de lever des fonds. Bien évidemment Tipeee, bon ça va sans dire, etc. etc. Vous avez compris le principe. Donc Monero c'est notre avantage, c'est la crypto-monnaie, donc n'hésitez pas à nous soutenir. Merci à tous ceux qui nous soutiennent anonymement, qui ne nous envoient pas de courrier pour nous demander, pour nous faire part de leurs dons. Mais bien sûr, on les remercie. Don numéro 1, pour ceux qui souhaitent un remerciement à l'antenne, et c'est bien normal, nous lisons leur courrier. Bonjour, démocrate participatif, nous venons de verser 0,1 Monero comme essai. Merci pour vos éclairages et pour garder une lueur d'espoir au fond du tunnel. Nuremberg 2.0, ou la terre promise au seul peuple élu. Et c'est signé Autoscar Génie. Alors, donc, c'est un essai. On confirmera l'essai, bien évidemment. Merci à vous, chers amis. Don numéro 2. Bonjour, mes camarades non racisés et bonne année en retard. Voici un petit don de 0,05 Monero pour soutenir l'effort de guerre contre ces sales juifs, comme dirait Fulbert. Donc, avec l'accent belge, j'imagine. Je voulais encore vous remercier pour toutes vos émissions, surtout celles que j'ai pu écouter avec mon père dans la voiture. Il a pu vous entendre dire « nègre », ce qui fait du bien. Eh oui. Mon père n'étant pas un boomer, il n'a jamais été un grand fan de De Gaulle. Donc, général De Gaulle. Hein. Même si les cuisines sont vides, le Troisième Reich restera splendide. Sur ce, bonne émission et vive la Grande Bourgogne Blanche. Oui, et Sieg Heil. Voilà, c'est le roi des renards qu'on connaît, donateur de l'émission, bien sûr, bienfaiteur de l'émission. Salut à toi, renard, et salut à ton papa, du coup, hein, par la même occasion. Alors, don numéro 3, avec un message. Alors, bonjour à toute l'équipe de DP. Je vous informe par la présente de mon don de 0,99 Monero, preuve du paiement en pièce jointe, et vous souhaite une bonne année 2022. Je profite de l'occasion pour vous livrer un témoignage sur un récent voyage aérien que j'ai dû effectuer en ce début de mois de janvier. En dépit des risques mortels d'attraper le rhume, j'ai en effet emprunté l'aéroport de Marseille-Provence et son fameux terminal MP2. Ce terminal MP2 est une extension de l'aéroport originel. Il sert exclusivement aux vols low cost des compagnies aériennes telles que Ryanair ou EasyJet. Inauguré en 2006 pour un coût de 7,6 millions d'euros, c'est pas cher, hein, c'est pas cher, ouais. Ce terminal ressemble à un entrepôt ou la réserve d'un supermarché. Ah bah voilà, tout s'explique. Fabriqué avec des panneaux de bois et de tôle, tout y est en effet low cost. Ce choix peut sembler a priori judicieux, puisque ce terminal sert principalement à nos compatriotes marrons pour aller en vacances au Maroc ou en Turquie. Oui, effectivement, oui. Les vols directs à moins de 100 euros pour Istanbul, Marrakech ou Ouarzazate attirent dans ce terminal tout ce que le département compte de barbus et de moukers, bien évidemment flanqués de leurs futurs djihadistes. Pour ce qui est du personnel de l'aérogare, il est à l'image des voyageurs précédemment décrits. Des beurettes et des nègres gèrent, tant bien que mal, la foule qui se presse dans ce terminal bien trop exigu, enregistre les bagages et fouille les voyageurs blancs qui auraient la mauvaise idée de passer les portiques de sécurité avec leur smartphone en poche ou une bouteille d'eau planquée dans leur bagage à main. Ces boucaques sont bien évidemment infoutus d'aligner trois mots en anglais pour aider un malheureux voyageur britannique ou allemand. Lors de mon dernier voyage, une mouquère de la sécurité a confisqué la bouteille d'eau qui servait à mon enfant de 3 ans et a frotté un bout de papier sur son biberon pour y trouver d'éventuelles traces de stupéfiants. Bah oui, c'est logique. Nos passeports ont été vérifiés 4 fois, par un nègre pour nous autoriser à faire la queue, par une beurette pour enregistrer nos bagages, par une blanche pour déposer nos bagages et par un nègre pour accéder au portique de sécurité. Si on ajoute à cela le bruit et l'odeur, eh bien le voyageur blanc sur le tarmac, il devient fou. Je vous remercie pour votre travail de vérité et vous souhaite une excellente émission amicalement. Et c'est signé Ferdinand. Mais bon, là, c'est niveau exotisme. Là, je crois que j'ai pratiquement pas mon quota, mais pas loin d'eux. J'ai voyagé énormément juste par cette description de l'aéroport de Marseille, enfin plus précisément le MP2 de Marseille. Et j'ai pas du tout envie d'y aller en fait. C'est oui, pas... alors l'aéroport de Marseille, enfin pour avoir pratiqué. Marseille et Roissy, l'aéroport de Marseille, c'est civilisé hein, par rapport à Roissy quand même. Hein. Ah bon quoi. Toute la négraille du monde qui se presse à Roissy, excuse-moi. Hein, c'est... Oui, on a tendance à oublier effectivement que l'Algérie est plus blanche que... Oui, c'est vrai. Oui, oui. Ah oui, non, je me rendais pas. Moi, je connais Roissy Charles de Gaulle. Ou Charles de Gaulle, hein, je connais. Bon, déjà, c'est... Bah, c'est nègre, c'est très nègre. Alors, c'est tout, en fait, tu sais plus. Bon, enfin, les Blancs n'existent pas dans le personnel. Les seuls Blancs que tu vois à Roissy Charles de Gaulle, en fait, c'est les soldats qui font le planton. Et encore, attention, et encore, mais ceux que tu vois, ils sont en treillis. Oui, les autres... parce que c'était il y a une quinzaine d'années. Ça a changé aussi. Ouais, ouais. Ça a changé depuis. Le temps passe vite, hélas. Mais oui, voilà. Non, mais c'est vrai que Roissy Charles de Gaulle, c'est. Il y a toujours. Je me rappelle aussi à Roissy Charles de Gaulle, à chaque fois que j'y vais, je tombe sur des bandes de rabbins. Ça ne loupe jamais. Ça ne loupe jamais. Bah, ils sont chez eux, écoute, hein, c'est la colonie. Ah non, mais hein. C'est des bandes. Et puis en fait, c'est pas un, c'est des bandes, c'est des grappes de rabbins en cafetan, quoi. Et puis, je sais pas, hein, bon, j'aime pas les Arabes excessivement, j'aime pas les Noirs excessivement non plus, mais alors, quand je vois des cafetans, alors là c'est d'une autre dimension quand même. Hein, ça réveille en moi quelque chose, donc il y a quand même des atavismes, à mon sens. Non, mais c'est assez petit en fait, hein, l'aéroport de Marseille. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Je crois que c'est même plus petit que l'aéroport de Nice. Comme quoi, les idées reçues, moi je pensais que, oui, c'est vrai quand tu me dis ça, non, mais en fait, l'aéroport de Marseille, c'est civilisé, voire même presque propre, par comparaison avec Roissy-Charles de Gaulle. Maintenant que tu me le dis, c'est vrai ouais, que. Ouais. Ouais, c'est vrai. Je trouve ça bien que les métèques qui contrôlent les Français. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas assez, mais. Les Français blancs sont vraiment des criminels, des délinquants, des salopards. Ils sont dangereux. Alors que les Arabes, ils peuvent passer dans les aéroports, tu vois, tu peux avoir confiance, quoi. Un Arabe dans un aéroport, tu dors tranquille, quoi. Je vois beaucoup de gens qui disent, tiens, c'est marrant, dans les pays où il n'y a pas de nègres et d'arabes, ou en tout cas très peu, il y a moins de folie covidiste. Ben oui, effectivement, parce que les nègres et les arabes sont là... ils servent de gardiens du camp de concentration qui est le pays quoi hein, c'est ils sont là pour ça hein, c'est oui et puis ils aiment c'est ça je veux dire et puis ils aiment ça quoi hein, je veux dire mais oui, moi je comprends ça, ouais. Je comprends ce qu'il veut dire hein, l'auditeur parce que j'ai eu à passer par ça aussi je veux dire des beurettes extrêmement agressives ou des mulâtresses des îles extrêmement agressives de la douane, c'est pratiquement le principe. Et elle n'arrête que les Blancs. Il faut que ça soit clair. Bien sûr. C'est les Blancs. C'est-à-dire que t'as des babouins qui passent, ils font n'importe quoi, ils beuglent. Bon, bref, ça passe comme une lettre à la poste. Toi, t'arrives, t'es... Et puis en plus, elles te font sentir, donc ces charmantes demoiselles te font sentir à quel point elles n'aiment pas ta race. Mais c'est pareil après les attentats Charlie Hebdo et autres hein, qu'il y a eu. Tu sais, il y a des, dans les supermarchés, il y a des recrudescences de tu sais, on augmente le contrôle ouais, hein, les entrées des supermarchés. Ouais. Et qui contrôle qui contrôle déjà c'est les mecs qui parlent pas français. C'est en général c'est des arabes, c'est même pas des nègres, c'est des bougnoules. Et les types arrêtent les vieilles blanches pour contrôler leur sac à main, si tu veux. Ouais, c'est le foutage de gueule ultime, c'est ça. Hein, donc voilà, oui, c'est le foutage de gueule. Oui, c'est vrai, ce sont les gardiens de l'asile, ces gens. Et ne perdons pas de vue le côté pratique de la chose, puisque là, aéroport international avec apparemment destination vers le Maroc, donc bien sûr, shit, hein, bien sûr. Donc, si Mouloud se fait contrôler par Ahmed, il est bien évident que voilà, une petite cargaison qui pourrait passer de manière incognito, quoi. Ça Ouais, peut ça passe pas s'envisager. par l'avion en général. Non, Parce que plutôt ils ont ferryboat ou de. bagnole, ouais. Oui, ils ont le. Enfin, ils passent par l'Espagne en général. Ils ont l'espèce de. Il n'y a pas encore d'autoroute entre eux deux, bien, pour l'instant, Oh hein, là, oh pour là. Mais Mais culturel, donne pas mais des idées, Eric. culturellement, il y a des ponts quand même. Ouais, non, mais c'est pas là. Il y a des liaisons de ferry, et puis c'est par là que tout passe. Ouais. Bah, vous D'ailleurs, souvenez-vous de la. il y a des sales boomers aussi qui passent avec leur putain de camping-car hein, pour aller là-bas, hein, et qui étaient restés plusieurs mois, qui se plaignaient à l'époque du début Ah du oui, tout à coronavirus. fait, bien sûr. Ces fils de pute vont dépenser leur retraite illégitime. À donner de l'argent aux Marocains. Hein. Donc, c'est cette engeance du diable. Hein, il faut aussi penser à ça. Il n'y a pas que le shit qui passe par là, si les boomers. Puisqu'on parle du contrôle aux frontières, vous souvenez-vous peut-être de l'avion qui avait explosé entre l'Égypte et la Russie, avec c'était l'État islamique qui avait réussi à faire passer une bombe dans l'avion, qui avait explosé en plein vol. Pour une fois, ils avaient réussi à faire quelque chose de. Ils avaient atteint leur objectif, ouais, c'est. Ça peut aller très loin, hein, ces histoires de contrôle. Ouais. Non, mais je vois ce qu'il veut dire, notre auditeur, là, ce sentiment d'être discriminé. Puis c'est animal, tu sais, parce que ils sont pas très intellectuels, mais ils te font sentir. C'est vraiment physique, quoi. C'est une agressivité physique. Hein, donc je vois exactement ce dont il veut parler. Donc c'est. Voilà, bon, c'est pas. C'est comme ça, hein, comme on dit, hein. Voilà. Mais ça, c'est Roissy Charles de Gaulle, c'est lié à une politique de l'État hein, qui vise à embaucher les populations ségrégées de la Seine-Saint-Denis. Hein, vous savez, donc on leur donne du travail comme ça. Les Français, enfin les autorités françaises en sont très très fiers. Ouais. Et du coup, bah toi, quand tu passes, enfin c'est l'antre du démon. Hein, donc, mais je suis quand même, ouais. J'ai pas forcément envie d'essayer Marseille quand même, pour autant, hein, mais je te crois quand tu dis que c'est quand même pas aussi négrifié que Roissy Charles de Gaulle. Mais bon. C'est quand même pas mal au niveau de la symbolique que finalement l'aéroport français principal par lequel arrivent tous les étrangers qui s'appelle Charles de Gaulle se Oui. termine dans un bouge repeuplé de nègres. Je trouve qu'il y a quand même, au niveau de la. Il y a quelque chose de poétique là-dedans qui ne me laisse pas totalement indifférent. Je veux dire, c'est-à-dire que tous les jours, la Providence essaye d'expliquer aux Français le véritable sens de la Seconde Guerre mondiale. Et tous les jours, les Français n'arrivent pas à le comprendre. Mais la Providence est patiente et elle continue. Enfin, ils comprennent, mais ça leur plaît. Hein. Enfin, Ah, c'est possible, oui, c'est possible aussi. Oui, mais je c'est pas pense qu'il ne faux. faut pas écarter cette Oui. hypothèse-là que il y a quand même une majorité de gens qui aiment se rouer dans la merde. Hein. Ça leur C'est plaît. certain, c'est certain. Tu as tout à fait raison. Alors, messieurs, restons sur cette touche de quelque part d'Afrique, hein, de senteur africaine, avec première rubrique assez légère, Éternaigrerie cardinale, elle est pour toi. Elle est charmante, je veux dire, elle est charmante, elle est très française aussi. C'est la Nouvelle République qui nous fait état de ce petit incident. Tu seras conquis. Alors, Hansou s'exprime correctement, mais la cohérence de ses propos intrigue, nous dit la Nouvelle République. Le jeune homme de 25 ans se présentait ce mercredi au tribunal correctionnel de Poitiers, escorté de policiers, après un esclandre violent, la veille, au guichet des étrangers de la préfecture de la Vienne. Visé par une expulsion du territoire depuis la fin novembre après un vol à l'étalage dans un supermarché de Poitiers, ce Guinéen, débouté du droit d'asile, veut rester en France. Pour travailler, apparemment. Puis, pour devenir président de la Guinée, où il a fait de la politique avant, dit-il. Depuis, il avait quitté le pays, fui la Libye, où il avait été torturé. Mis le pied en Europe par l'Italie et trouvé un foyer d'accueil à Poitiers, voilà près de 3 ans. Le jeune homme suit un traitement antipsychotique lourd depuis qu'il s'est infligé des coups de couteau dans le torse. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal a jugé indispensable l'expertise psychiatrique et renvoyé l'examen des faits reprochés au 28 mars prochain. En attendant, Hansou a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre à la préfecture. Alors, messieurs... Bon, alors messieurs, après il y a un petit sondage que j'aimerais qu'on commente ensemble, mais bon, j'aime bien les choses comme ça, c'est une vocation politique un peu frustrée que nous relate, comment dirais-je, la Nouvelle République. Alors je ne sais plus laquelle d'ailleurs, parce que c'est le nom du journal, la Nouvelle République, alors je ne sais pas, la Nouvelle République de France, de Guinée, on s'y perd un peu. Bananière, apparemment. Oui, peut-être, oui, c'est pas faux. Voilà, alors donc en fait, ils terrorisent tout le monde à la préfecture. Donc la préfecture en a très très peur, au point qu'on l'interdit d'approcher maintenant le périmètre de cette même préfecture. Voilà, et alors il est sous traitement antipsychotique lourd. Enfin, voilà. Bon, alors qu'est-ce que vous pensez d'Hansou? Est-ce que comme moi, vous appelez à sa libération immédiate? Ah oui. Pour qu'il puisse concourir, mais pour qu'il puisse concourir à l'élection présidentielle française, je veux dire, en attendant deux. Déjà, il va se faire récupérer par le Rassemblement National. Hein, attention. Oui, il y a des risques, effectivement. Oui, oui, oui. Déjà, empêcher d'un nègre de se rendre au temple, hein, le temple qui est la préfecture, hein, c'est quand même... c'est une atteinte aux droits fondamentaux de la liberté de culte. Je sais pas. Hein, oui, normalement, la divinité est chez elle, dans sa maison. Hein. Ben, c'est son temple, le temple, enfin la préfecture, c'est le temple de l'Éternel. Sa majesté est chez lui. Alors, normalement, oui. Ça, hein, il y a là une forme de blasphème et de lèse-majesté. J'ajouterais de méchanceté. Oui, les blancs sont... Alors, on nous parle d'un esclandre violent. Alors, évidemment, c'est toujours dit avec un peu... Mais j'imagine très bien, en fait, la secrétaire, donc qui s'appelle... Bon, pour l'occasion, on la nommera Magali, bien sûr. Alors, Magali supervise les papiers. Et là, il y a Hansou qui est là. Je suis le président, là. Tu vois, alors, écumant de rage, peut-être même avec une lame, aurait-il glissé une lame malgré le portique, avec l'aide peut-être du vigile, qui lui-même est guinéen, on ne sait pas. Et là, vraiment, le fou de rage. Face à l'outrage qui lui est fait, voilà, Hansou a voulu rappeler que il voulait être président, il ne voulait que être président de Guinée. Somme toute. Bon, plus sérieusement quand même dans cette histoire-là. Ah, mais je suis très très sérieux. On remarque encore que ce sont les, parce que Monsieur Hansou, hein. Avait tenté de mettre fin à ses jours. Et on remarque encore une fois que la France et les Français ont empêché la nature d'éliminer les éléments les moins qui devaient partir. Si tu veux. La culpabilité de l'État français et des Blancs dans cette histoire-là est encore une fois immense. Hein, c'est faire pulluler ce que la nature semblait vouloir mettre de côté, c'est-à-dire le type se poignarde, hein, dans le torse quand même. Je veux m'écarter de la compétition, hein, et là République française, temps mort. Ticoune aux lames, réparer le monde, nègre, Dieu, voilà, Jésus, tout ce que tu veux. Mais c'est l'histoire de la France depuis au moins ces deux derniers siècles. Ah, c'est l'histoire de la France depuis 150 ans. Ah oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, la France, les Français, et la République française encore plus, non uniquement, mais encore plus, se dressent face à la nature, quoi. C'est une espèce de révolte contre la nature, en disant le fleuve va couler en sens inverse, de toute façon, que ça vous plaise ou pas, on va le faire couler en sens inverse. Je ne sais pas si vous savez ça, mais les Soviétiques avaient essayé aussi des choses comme ça. Mais ils ont arrêté quand ils se sont rendus compte que ça coûtait des centaines de milliers de morts. Hein. Bon, ils ont dit, bon là, malheureusement, on n'a pas autant de... Oui, les communistes se sont arrêtés, effectivement. Parce que c'est... pas les Français, effectivement. Mais pas les Français. En fait, le Français a décrété l'égalité entre l'homme et le singe. Et effectivement... Tout concourt à ce que cette égalité s'inscrive dans la réalité, si tu veux. Parce que, voilà, nous y allons. Hein, le blanc a pour objectif le singe. Le singe est là comme cet invariant, si tu veux, hors de la temporalité, qui est Dieu, en fait. Hein, c'est Dieu, c'est l'éternègre, le Dieu des Français. Et c'est et on y va, hein. On y vole presque. On y vole effectivement. Et là, en dessous, si tu veux, est une figure christique du XXIe siècle. Ouais. Non, mais tu sais que tu viens de résumer deux siècles de deux siècles. De France, même la Déclaration des droits de l'homme. Hein, tu viens de résumer la Déclaration des droits de l'homme mieux que je n'aurais su le faire. Hein. Oui. Deux siècles ensemble. Oui. Bravo Pierrot. Oh, enfin, je note quand même que je note deux trucs. En dessous. De quoi ? Il était obligé de se rendre à la préfecture quelque part. Il n'était pas encore français, donc là c'est un problème de racisme, clairement. Et puis je sais pas, Gandalf, si t'as vraiment tout l'article ou alors peut-être que j'ai loupé quelque chose. Mais je crois que l'article ne se termine pas par il sera expulsé prochainement. Il est censé être. C'est-à-dire que c'est encore un statut. Oui, c'est de la philosophie, quoi. C'est un exercice très théorique, quoi. Il est sous l'obligation d'une obligation de quitter le territoire. Mais oui, effectivement, c'est comme les. Comment dire, c'est comme Louis de Bourbon, si tu veux. Il est roi de France, mais ça marche pas, tu vois. C'est pareil. C'est un titre. Voilà, il est expulsé. C'est un titre. Mais dans la réalité, il peut chier des Français par la bite, tu vois. Il n'y a pas de problème. Oh là là, ça serait bien quand même que notre émission un jour passe aux 20h TF1. J'aimerais bien quand même. Hein, franchement, ça serait sympa. Alors, messieurs, je rebondis sur quand même la plus brûlante actualité. Un sondage a été réalisé en France cette semaine. Alors, bien sûr, les sondages, hein, c'est pas des vérités révélées, mais bon, ça traduit quand même, dans une certaine mesure, et à quelques points près, des tendances de fond. Hein, et celle-là, en tout cas, ne me paraît pas totalement surréaliste. Donc, c'est un sondage qui a été réalisé dans le cadre de l'élection présidentielle, bien sûr, autour de l'identité française et des menaces qui pèseraient sur l'identité française. Donc c'est lié à la campagne d'Éric Zemmour, en particulier, qui inscrit sa campagne dans cet axe narratif-là, pourrait-on dire, et du coup, le sondeur, qui est l'IFOP, a voulu en savoir un peu plus de l'état de l'opinion. Alors, il y a une partie des questions qui sont biaisées, bon, mais ça c'est traditionnel avec les sondeurs, mais on a quand même des chiffres tout à fait intéressants. Plus particulièrement une, comme vous le savez, Éric Zemmour reprend souvent à son compte une déclaration du général de Gaulle qui dit « Oui, c'est bien qu'il y ait des Français noirs, je sais plus, enfin, juifs, ou je sais plus, enfin bref, bon, des Français qui ne soient pas de race blanche, mais la France reste d'abord et avant tout un pays de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-latine. » Bon. Quelque chose d'approchant. Vous connaissez bien cette déclaration. Et du coup, le sondeur, donc l'IFOP, a voulu savoir ce que pensaient les Français de cette déclaration du général de Gaulle, reprise par Éric Zemmour. Voilà. À quel point elle résonnait avec les Français. Et alors, voici le résultat. Alors moi, en fait, j'ai vu ce qu'en a dit la presse de droite, mais je n'ai pas tout à fait interprété de la même manière. D'ailleurs, formuler la conclusion du sondage de la même manière. Alors la réponse est la suivante, c'est pour 47% des Français. Pour 47% des Français, la France n'est pas avant tout un pays de race blanche et de religion chrétienne. La question était formulée comme ça. Donc, pour 47% des Français, la France est seulement un pays de race blanche et de religion chrétienne, c'est avant tout, donc une préséance. Eh bien, pour 47% des Français, cette préséance accordée à la race blanche et à la religion chrétienne, pour des raisons historiques, n'est pas acceptable. Et parmi donc les gens qui ne se reconnaissent pas dans cette affirmation, nous avons 19%. Alors, des Français. Bon, ah. Vous en ferez ce que vous voulez. Mais vous avez 19% des gens qui ne se reconnaissent pas parmi les 47%, 19% qui disent ne pas être du tout d'accord avec cette déclaration. Pas du tout d'accord avec cette déclaration. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous dites de ces 47% de Français qui disent que bah non, la France ne peut pas être avant tout un pays de race blanche ou de religion chrétienne? Alors moi, je pense en plus que c'est plus grave que ça. C'est-à-dire que parmi ces 47% de Français, je suis à peu près certain que c'est chez les Français de race blanche que... Oui, je crois. Effectivement. Ils sont moins d'accord. C'est-à-dire que même les nègres à qui, par hasard, on a filé des cartes d'identité et les bougnoules, tu vois, les types disent ouais, ben oui, la France, oui. Ouais, c'est les Français. C'est les Français. C'est blanc, ouais. C'est des races blanches. Ouais, bien sûr. Le blanc, non. La race blanche. Ah, mon Dieu. Il s'arrache les yeux, tu vois. C'est bon. Donc oui, bah c'est très peu étonnant. Ça fait partie de. Ça non mais on est à 3 points, si vous voulez, on est à 3 points ou à 4 points, si on va être plus précis, on est à 4 points d'une majorité de Français qui disent non, la France. Je précise, hein, c'est pas la France, c'est un pays uniquement de race blanche et de religion chrétienne, puisque c'est l'affirmation qui est proposée. C'est avant tout de race blanche, c'est-à-dire que voilà. Oui, on arrive au stade en fait où t'as une claire majorité de Français qui disent mais la France c'est pas du tout un pays de blanc, Il y a une majorité de Français qui pensent ça. Oui. Il y a aussi la même proportion de Français qui a peur pour sa santé quand il côtoie des non vaccinés. Ah oui, tu as parlé de ça, effectivement. Tu m'en as parlé avant l'émission, effectivement. Ouais. Voilà, je vous laisse tirer les conclusions sur l'état de la race supérieure française. Faites ça ce que vous voulez. Alors, les Français se sont dressés contre cette notion de race supérieure. Hein. C'était une notion allemande. Hein. Mais les Français sont très, très hostiles depuis... oui, depuis 1939 au moins, à cette notion. Hein, ils ont quand même dû passer à la caisse entre-temps à chaque fois qu'ils... Mais bon, ils persistent. Hein, ils disent non, vraiment, c'est... Non. Bon, voilà. Bon. Mais je trouve ça intéressant, quand même, comme sondage. Alors, dans le sondage, il y a d'autres choses. Hein, il y a 66%, je crois, des Français qui disent que l'islam... ça menace l'identité française. Alors, c'est très drôle parce qu'en fait, ça pose la question de qu'est-ce que l'identité française. Ce sondage, en fait, pose la question. Tu sais des bites. Écoute, c'est assez drôle parce que à aucun moment, en fait, le sondage ne dit qu'est-ce que l'identité française. On ne demande pas aux gens, voilà, qu'est-ce que l'identité française. On dit aux gens, qu'est-ce qui menace l'identité française. Et en creux, on essaye de deviner ce que... L'identité française, c'est la compagnie créole. La compagnie créole et la gay pride, quoi. C'est ça. Hein. Bah, en gros, c'est ça. Marine Le Pen, j'ai envie de te dire. Bah oui, c'est... Non, mais c'est ça. Alors, évidemment, en fait, dans l'islam, il y a un rejet parce que on ne peut pas bouffer de saucisson, on ne peut pas boire de pinard. En tout cas, sur papier, au terme de la loi islamique, si tant est qu'elle est appliquée. Donc, ça fait tirer un peu la gueule, mais en fait, quand tu regardes les réponses, en gros, c'est ça. C'est « Ouais, mais c'est chiant, l'islam, ça interdit de faire des trucs. » Tu vois? Non, mais vraiment. Et quand tu on leur dis... On veut dire la compagnie créole, mais si on peut boire un coup, quoi. Voilà, alors tu te dis, bon, évidemment, le sondage se déroule, parce qu'il y a plusieurs questions qui sont posées, et puis t'as la presse de droite, type Valeurs Actuelles, eux, ils sont là, ils rejettent l'islam, Ça y est, alors tu sais, ils sont là, ils entrevoient les Français se précipiter à Saint-Denis pour aller se saisir, si tu veux, de la Sainte-Ampoule, tu vois. Ils sont là. Et non, pas du tout. Pas du tout. Quand tu leur demandes, alors mais c'est quoi l'identité française? Les Français, c'est un peuple de race blanche? Non, comment? Mais comment osez-vous m'insulter en public? Voilà, non, les gens disent, donc c'est kiff-kiff, quoi. Alors oui, bien sûr, il y a encore 53% des Français qui disent ce que disait De Gaulle. Donc ça, c'est la question, est-ce que tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide? Enfin bon, quand tu vois la dynamique générale, t'aurais posé la question il y a 30 ans, bah, en fait, le fait de poser la question à 30 ans, les gens t'auraient pris pour une espèce d'illuminé. Dit, qu'est-ce qui pose la question? Est-ce que la France, c'est un pays de race blanche? Tout le monde t'aurait dit, bah oui, oui, évidemment, oui, c'est un pays de race blanche, oui, de quoi d'autre? C'est un pays de Français, quoi. C'est ça que les gens auraient répondu. Enfin, il y a 30 ans, je suis un peu gentil. Bon, il y a 40 ans, on va dire, il y a 40 ans, voilà. Et maintenant, en fait, le consensus qui est en train de se forger dans l'opinion, alors ça ne se forme pas tout seul, c'est sous l'influence des médias, etc., bien sûr, de la musique, hein, donc de la musique nègre aussi, énormément, mais il y a un consensus qui est en train de se forger pour dire « Ah non, mais en fait, la France, c'est pas du tout un pays blanc. » Et là, par contre, on est bien obligé de le dire, il faut le souligner, c'est que c'est du, pour le coup, c'est vraiment du négationnisme intégral. C'est-à-dire que, bien évidemment, que la France... historiquement, est un pays de race blanche et de peuplement blanc. C'est indéniable. C'est un pays qui, plus que les autres, aime les nègres et la négrerie, si tu veux. Ah oui, ouais, d'accord, mais on est d'accord, on est d'accord que c'est une évolution... Tout ce qui peut les amener à fusionner le plus rapidement avec les nègres, certes. Effacer l'histoire de France pour que ça te fout du premier maire nègre de Paris au 19e siècle... Alexandre Dumas, le Carteron, enfin, etc. Donc, ça, tu fous du nègre absolument partout, comme si, en fait, depuis des siècles, ouais. Le nègre était déjà chez lui en France, était déjà sa majesté le nègre. Bah, bon. Ça rejoint un peu l'émission de la semaine dernière. Moi, j'ai déjà eu des discussions avec des types qui m'ont sorti que non, mais il y a toujours eu des nègres en minorité en France. Ils ont gobé les conneries qu'ils ont vues sur Netflix ou ailleurs, hein, et s'imaginent que finalement l'Europe, enfin Jules César avait un os dans le nez, quoi. C'est possible, hein, je l'ai vu sur Netflix. Ouais. Oui, mais c'est ça que je veux dire. Donc dans ce sondage, en fait, on voit que la propagande, que ce soit l'éducation nationale, à la télévision, au cinéma, dans la presse, marche, qu'il y a une réécriture de l'histoire de France qui est faite, qu'on relativise au départ et ensuite qu'on remet en cause, ensuite qu'on criminalise le passé de la France, hein, c'est ce qu'on voit. Hein. Au départ, l'air de rien, on dit oui, vous comprenez, il faut nuancer, puis ensuite, ah oui, mais quand même, hein, il est temps de faire un inventaire, et puis on se dit, ah oui, mais si on fait un inventaire, c'est qu'il y a des culpabilités à établir, là, ah oui, et de fil en aiguille, on en arrive à ce résultat-là dans l'opinion, hein, qui se forge, qui, je crois, n'est pas le... Je ne crois pas que l'IFOP ait tordu son sondage à ce point-là. On pourra toujours discuter à un ou deux points près ou à trois points près, mais pas dans cette amplitude-là. Et on arrive effectivement à ce consensus où, en fait, on a des générations qui sont complètement lobotomisées et pour lesquelles, comme le dit Pierrot, où il y a une claire conviction qui s'est cristallisée, oui, bien sûr, la France a toujours été un pays multiracial. Il y a toujours eu des Noirs en France. C'est évident. Ça ne souffre pas. Et même, on en arrive là au stade où, en fait, c'est les Français qui sont des intrus. Enfin, les Français de souche, c'est-à-dire les Blancs. Les Blancs sont des intrus. C'est ce que nous dit en creux l'affirmation. Hein. Est-ce que la France est d'abord et avant tout un pays de race blanche? Quand les gens répondent « Ah ben non, surtout pas », ça veut dire que les Blancs sont tolérés. Voilà, on les tolère, il y en a. Oui, on les voit, d'accord. Mais... ils n'ont pas de légitimité et ils n'ont certainement pas de droit de préséance. Donc, maintenant, dans ces conditions-là, et j'en termine, ça appelle des conséquences ensuite. C'est-à-dire que si on tient ça pour vrai, si on tient effectivement que les Blancs n'ont absolument aucune espèce de légitimité en France, ils ont pas plus de légitimité que n'importe lequel, voire moins parce que l'esclavage, parce que le Troisième Reich, n'en déplaise à Philippot, à Asselineau et compagnie, hein, parce qu'on est par amalgame racial, t'es mis dans le même bateau, hein, c'est comme ça que ça marche, vous êtes bien gentils, vous les petits blancs, mais maintenant vous allez fermer vos gueules et vous allez vous effacer gentiment, alors ça va se passer plus ou moins bien selon que vous allez être conciliant ou pas, mais le programme est clair. Et je crois qu'on sous-estime beaucoup aujourd'hui l'état d'avancement de ce genre d'idées. Parce qu'on a tendance à croire que, parce que dans les médias, c'est pas aussi, aussi virulent, que dans la classe politique, c'est pas aussi virulent, on a l'impression que, en gros, parce qu'on ne voit pas dans la superstructure ce type d'idées s'exprimer aussi ouvertement, on a tendance à croire que dans l'infrastructure, c'est-à-dire dans la société, ce type de point de vue, encouragé évidemment par les médias, n'est pas aussi largement répandu. Moi, je m'inscris en faux face à ça. Je pense que c'est aujourd'hui, effectivement, comme le dit bien ce sondage, on est sur 50-50, à peu près. Il y a un petit biais aussi dans le sondage, c'est qu'en fait, ceux qui font l'émission de genre de questions partent du principe que en fait, les répondants ont un cerveau qui fonctionne. Donc la question, c'est l'affirmation pardon, qui est proposée, c'est « La France est avant tout un peuple de race blanche et de religion chrétienne. » Donc avant tout, vous savez, il y a un ordre qualitatif, il faut mettre une réponse ou une négation. Enfin, il y a beaucoup de gens, surtout beaucoup de bougnoules, qui ne maîtrisent déjà pas la langue. Alors si en plus tu rajoutes ce tout petit degré de complexité de langue française, ils sont perdus en fait. Ils ne savent pas s'ils répondent oui ou non. Quoi. Certes, mais bon, quand même. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'en dessous, a toutes ses chances. Il ne faut pas qu'il désespère en dessous. Oui, il est entre quatre murs, comme Nelson Mandela en son temps, mais il ne faut pas désespérer en dessous. Rien n'est perdu pour toi. La Guinée ne voudra certainement pas de toi comme président de la République. Il ne faut quand même pas pousser, parce que bon, quand même, bon, c'est bien d'être ambitieux, mais il ne faut pas pousser non plus. Par contre, en France, les jeux sont ouverts. Moi, je dis que les jeux sont ouverts pour en dessous. Donc, d'un commun accord, peut-être, en tout cas, là, je vous interroge, mais libérons en dessous ? En dessous 2027. Ah, oui, bah déjà, ça me fait un peu plus rêver que Marine Le Pen. Hein. Puis au moins, le programme, et il Marine est... c'est une forme d'honnêteté. Marine Le Pen étant célibataire, il pourrait y avoir une union pour la France éternelle avec en dessous Marine. En dessous Marine, oui. Sous-marine, c'est pas mal ça. En dessous Marine, oui, en dessous Marine. Mais alors peut-être avec un. Comment dirais-je un successeur, alors peut-être un Bilal Le Pen. Peut-être. Ah non, pas Bilal. Non, il faudrait que ce soit. Un gros nom de nez. Non, ce sera un négro avec un prénom français. Donc du coup, ça sera un français. Oui, ça sera bien heureux. Bienheureux Le Pen, 2042. Bienheureux Le Pen, qui serait l'héritier de cette famille maudite. Moi, j'ai un message à adresser à la préfecture de la Vienne, et tout spécialement au département des étrangers. Vous risquez de regretter fort le traitement que vous avez infligé à Ansu, donc futur président de la République française. Vous risquez de le regretter, moi je vous le dis. Attention. Vous n'êtes pas français. Non, d'ailleurs, la preuve, les Français sont d'accord avec ça. D'abord, qui sont ces gens au service de la préfecture pour donner des papiers qui ? Je veux dire, on en est où, là ? Ces papiers, là, hein ? Non, mais c'est qui, quoi ? Parce que t'as une nana, machin... Non, pour les donner, oui, mais qui sont-ils pour refuser à Sa Majesté d'être en situation administrative régulière pour participer aux élections comme les concessions lui permettent. Tout à fait. D'ailleurs, moi je parle d'élections parce que voilà, des formations républicaines, mais enfin, franchement, on sait très bien que deux droits divins, quelque part en dessous, est bien avant Louis de Bourbon. Bah, c'est le nègre est l'élément intemporel auquel le français se raccroche. C'est. Oui. C'est le véritable pilier de sa spiritualité. Surtout depuis que Notre-Dame de Paris est partie en flammes, c'est le dernier élément vraiment auquel se raccrocher. Hein. C'est le roc au milieu de la tempête. Hein. Tout à fait. Ou le baobab. Enfin bon, messieurs, c'est la post-culture. Hein. Voilà, donc les choses sont dites. On va parler un petit peu d'élections présidentielles. Je vais te parler un peu de pourquoi justement, enfin peut-être faire peut-être exprimer mon sentiment sur la notion même de démocratie que je n'ai pas toujours poussé à fond dans l'émission, Mais en tout cas, je m'arrête là-dessus. D'ailleurs, c'est le cardinal qui m'a soumis l'information parce qu'elle m'avait échappé. Je le reconnais en toute humilité. C'est Robert Ménard. Alors, Robert Ménard, à Béziers, accueille un peu tout le monde. Hein. Il accueille Éric Zemmour, il accueille Emmanuel Macron. Et là, aujourd'hui, ces derniers jours, il a accueilli Marine Le Pen, toujours dans le cadre, évidemment, de l'élection présidentielle, auquel, dit-il, il accorde sa signature, son parrainage, hein, qui a été mis en scène. Et alors, ils se sont mis en scène, très largement, lors de la visite de Marine Le Pen à Béziers. Et voici un tweet qui accompagne une photographie, mais le tweet décrit très bien ce dont il s'agit. Hier soir, je cite Robert Ménard, avec Marine Le Pen, face au buste de Sophie Scholl, l'héroïque résistante anti-nazie, décapitée pour avoir distribué des tracts dénonçant le régime hitlérien. Voilà. Donc, mise en scène antifasciste, au pied donc d'une statue, celle de Sophie Scholl, hein, pour nous dire en 2022 à quel point le régime hitlérien pose problème et à quel point c'est important de le rappeler. Alors messieurs, on est en pleine élection, je sais que ça peut paraître un peu anecdotique, de mon point de vue non, mais je voulais avoir votre point de vue en fait sur cette mise en scène. Alors bon, en fait, ça permet d'ouvrir la discussion parce que Ménard est dans un positionnement très ambivalent, c'est le moins qu'on puisse dire, entre Marine Le Pen et Zemmour, etc. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez me dire d'abord par rapport à cette mise en scène, si jamais vous avez un point de vue, et ensuite sur ce que fait Ménard, Marine Le Pen, Zemmour, voilà. C'est vraiment une annonce de tapin. Ça veut dire je peux sucer pour moins cher et plus à fond, voilà, pour ceux qui auront la ref. Oui, les frères Scholl, puisque c'était Hans et puis donc Sophie, qui étaient des étudiants à Munich et qui étaient réputés pour avoir écrit des lettres, notamment en partenariat avec un de leurs professeurs, et d'avoir distribué ces lettres à des adresses privées, puis ensuite les avoir distribuées dans la fac de Munich. Alors là, j'ai appris que, en lisant le site, que je ne savais pas du tout ça, qu'il y aurait eu des liens avec l'étranger, notamment avec les communistes, mais disons que même si la vulgate antifasciste, certes, mais est vraie, c'est-à-dire que ce sont des étudiants qui ont voulu se battre contre la dictature, bon, même si, bon, c'est vrai, alors ils ont mal fini, effectivement, ils ont été décapités, mais Robert Ménard lui-même est un ultra-covidiste, hein, c'est quelqu'un qui veut la vaccination obligatoire, c'est quelqu'un qui est favorable au pass vaccinal. Donc, l'idée que de vouloir lutter pour nos droits, avec ou sans Sophie Scholl, je sais en tout cas que ce ne sera pas avec Robert Ménard. Donc, C'est bien observé. Moi, je vais faire. Mais par contre, ça m'intéresse vas-y. Si jamais tu souhaites développer. Je vais t'interroger plutôt, puisque c'est des informations que je n'avais pas, alors que c'est des figures que j'avais regardées un petit peu, les frères Scholl, donc leur lien avec l'étranger. Alors en fait, oui, alors bon, en fait, ils appartenaient à un mouvement, parce qu'on a tendance à croire que les frères Scholl. La Rose Blanche, oui. La Rose Blanche était une organisation gauchiste, antifasciste. Parce que dans l'imaginaire démocratique occidental contemporain, qui est anti-nazi est un joyeux démocrate qui est pour la libération sexuelle, le divorce, etc., etc. Évidemment, c'est une lecture complètement frauduleuse a posteriori des faits. Donc, en fait, Sophie Scholl et son frère appartenaient à un mouvement chrétien d'extrême droite. Pas du tout de gauche. C'était des gens qui provenaient de l'extrême droite. Et leur lien, évidemment, puisqu'il y avait non pas une résistance, mais des petits groupuscules plus ou moins liés à des intérêts très particuliers, qui essayaient de se structurer face à l'Allemagne, national-socialiste qui, elle, menait la lutte au niveau international, d'abord contre la Russie bolchevique, bien sûr, et aussi contre l'Amérique. Au moment où ça se passe, on est au plus fort de la guerre. Les villes allemandes sont bombardées, les troupes bolcheviques déferlent vers l'Europe. C'est une question de vie ou de mort qui se passe à ce moment-là. Et en fait, ce qui se produit, c'est que ces groupes sont toujours plus ou moins organiquement liés à des gens beaucoup plus puissants au sein de l'armée allemande, au sein de l'appareil d'État allemand. Ce sont des gens, en fait, qui sont déjà en train de préparer leur survie sociale dans l'après-guerre. C'est-à-dire que pour eux, de leur point de vue, c'est bon, l'Allemagne va perdre la guerre, la question c'est de savoir comment, avec qui, comment s'organiser. Et plus particulièrement, les aristocrates du corps des officiers, qui sont des grands propriétaires terriens, ont peur de voir l'armée rouge s'emparer de toute ou partie de l'Allemagne et de lancer la collectivisation des terres. La perte de leurs titres, la perte de leurs terres, la perte de leurs châteaux, la perte de leur rôle social, la perte de leur influence dans l'armée. Donc, ce qu'ils essayent de faire, c'est de soutenir un putsch en lien avec les Américains. On le sait, c'est passé par la Suisse. Il y avait des liens très actifs entre certains grands officiers de l'armée allemande, des aristocrates d'extrême droite, et l'OSS, donc l'ancêtre de la CIA, et aussi des Britanniques, pour essayer de l'illusoire hypothèse d'une paix séparée avec les puissances alliées, donc anglo-américaines, pour préserver leur rôle dans l'Allemagne d'après-guerre. Mais les choses vont continuer à mal tourner, et ces groupes d'aristocrates, qui par ailleurs étaient aussi, avaient déjà activement mis dans leur poche les sociodémocrates, donc les socialistes, vont à la fin aller jusqu'à se mettre en lien avec les communistes. Or, les communistes en Allemagne, durant toute la guerre, sont des espions à la botte de Staline, intégralement. Donc, c'est à ce niveau de compromission que ces gens vont... c'est ce niveau de compromission que ces gens vont atteindre, n'est-ce pas ? Alors, les idiots utiles, il y en a tout le temps. Il y a toujours des idiots utiles. Et c'est toujours chez les étudiants qu'on les trouve. Les étudiants idéalistes, niais, sans culture politique, qui ne voient pas les ficelles invisibles des réseaux qui sont tissés et qui se mettent en mouvement et qui ne comprennent strictement rien. Donc, les types en question qui croyaient que voilà, on se débarrasse d'Hitler et puis tout va rentrer dans l'ordre, c'est de la folie furieuse. Surtout qu'on est au plus fort de la guerre et que les bolcheviques et plus encore la juiverie américaine ne fait pas mystère de leur intention d'anéantir totalement l'Allemagne. Reddition par reddition, c'était absolument clair. Il faut anéantir l'Allemagne, anéantir le peuple allemand. Ça n'ira pas à son terme. En 47-48, parce qu'il va y avoir un changement de politique au niveau à Washington. Mais il faut savoir qu'entre 45 et 48, la ligne arrêtée par la juiverie américaine, et surtout par Morgenthau, donc le ministre des finances américaines, c'est lui qui organise dans les territoires occupés par les Américains le nouvel ordre mondial, d'accord. Et Morgenthau est absolument clair quant à ses objectifs d'anéantissement. Alors ça sera publié en 1944. Mais déjà, on sait ce qui va se produire, d'accord. Donc l'activisme pacifiste, démoralisateur d'Echol et compagnie, s'inscrivait dans l'activisme d'autres groupuscules qui étaient communistes, socialistes et autres, et qui visaient simplement à affaiblir l'effort de guerre. Aucun pays, peu importe l'époque, peu importe la nature du régime, peu importe l'idéologie, aucun pays ne peut tolérer que lorsque les hommes sont au front, des groupes démoralisent l'effort de guerre, appel à baisser les armes face à l'ennemi. Ça ne serait toléré par personne. La France de 1914-1918 n'aurait jamais toléré que des groupes fassent ça. Les types qui auraient été pris en train de faire ça seraient fait fusiller par la Troisième République. Et Adolf Hitler, mais c'était pas seulement Adolf Hitler, faut pas croire que c'est Hitler tout seul qui a pris ce type de décision. C'était unanime, c'était scandaleux pour tous les Allemands, au moment où tous les fils d'Allemagne étaient envoyés au front face aux troupes bolcheviques, de voir des étudiants planqués à la planque, alors pas pour le frère qui avait été au front, mais pour la sœur, de voir des étudiants en goguette se piquer de politique en expliquant qu'il suffit de baisser les armes, d'abandonner Hitler et tout se passera bien, quoi, je veux dire. Voilà. Et c'est souvent ce qui n'est pas expliqué. Mais ça s'inscrit, et bon, j'en termine, ça s'inscrit dans un effort de rééducation non seulement du peuple allemand, mais un effort de rééducation des populations blanches pour leur dire jamais le fascisme, jamais le nationalisme, jamais le patriotisme. C'est toujours la même chose. Ces gars-là ne valent pas mieux que, paradoxalement, et dans un contexte autre, que les 68ards. D'accord ? C'est bien gentil l'idéalisme. Mais quand tu resitues dans le contexte, quand toi, ton fils, il est au front, des gens comme ça, t'as qu'une envie, c'est de les éliminer. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et on reproche à Hitler d'avoir utilisé la guillotine, qui, me semble-t-il, est une invention française. Moi, j'ai jamais entendu la République française criminaliser l'usage de la guillotine. J'ai jamais entendu les progressistes français se lamenter du fait qu'on ait abattu la monarchie à coups de guillotine. J'en ai jamais entendu parler, moi. J'étais à l'école. Quand j'étais à l'école, on me disait à quel point c'était extraordinaire. Dans l'école laïque, républicaine française. Ouais. On m'a toujours dit que c'était on très a bien. La monarchie, voilà, les privilèges. Les mecs se sont coupés la tête entre eux. C'est vrai que bon, Non mais c'est marrant, c'est venir parce que venir pleurer sur des gens qui coupent des têtes en France, c'est que bon, hein, c'est... Non, mais voilà, c'est quelque part un petit peu indécent. Alors non mais comment dire, voilà, donc tout d'un coup la guillotine pose problème. En fait, ce qui s'est passé, ça a été le génie d'Hitler et le génie des fascistes, en général, c'est que les fascistes ont utilisé les armes de la gauche contre la gauche, avec une efficacité redoublée. La gauche ne l'a jamais toléré. Donc ils n'ont toujours pas digéré. C'est ça, et c'est l'arme pour vaincre la gauche, utiliser les méthodes de la gauche pour vaincre la gauche, ça marche systématiquement. Alors évidemment, maintenant, ils sont toujours en train de ressasser leur truc, mais il faut bien réinscrire ça dans son contexte, c'est-à-dire que c'est pas comme si on arrêtait deux étudiants qui avaient posé des tracts aujourd'hui en 2022 sur un campus et on va les décapiter. Non mais c'est pas du tout comprendre le niveau de tension, les enjeux, à quel point c'est une. Enfin, il y a à cette époque-là surtout. Enfin, je veux dire, les morts arrivent de partout. Enfin, les villes sont écrasées sous les bombes. Enfin, il faut bien comprendre. On n'est pas à un ou deux morts près, surtout pas. Et on va pas regarder de près à la mort de traîtres, quoi. C'est évident. Et les Scholl sont des traîtres. Absolument. Absolument. Et il y aura toujours des Scholl pour essayer de saboter l'effort de guerre au nom de leur petite utopie gauchiste ou de leur utopie estudiantine ou peu importe la qualité de leur utopie. Et ça sera toujours récupéré par les gros malins qui, eux, cherchent à sauver leur peau en essayant de négocier dans le nouvel ordre des choses qui va succéder à la guerre. C'est toujours comme ça, vous savez, c'est pas spécifique à la Deuxième Guerre mondiale, c'est vrai dans toutes les guerres, c'est vrai dans toutes les guerres. Hein. Donc voilà. Alors, quand Ménard fait ça, parce que maintenant, parlons de contexte aussi, donc à grand trait, j'ai parcouru l'imposture Scholl. Moi, je me rappelle, parce que c'était diffusé dans un autre contexte, mais dans un contexte scolaire, moi je voyais ça... Bon, moi, je connaissais la vraie histoire, donc puis je la contextualisais, etc. Bon, avec un point de vue fasciste, hein, je l'assume, mais quand même avec des points indiscutables, c'est-à-dire que le fait qu'ils appartenaient à l'extrême droite, qu'ils étaient liés à des forces parmi les plus réactionnaires de l'Allemagne de l'époque, bref, on était très loin du roman gauchisé qu'on nous a vendu après la guerre. Hein. Donc, bon, je voyais ça, je disais, bon, on est vraiment dans le religieux et le lavage de cerveau. Mais maintenant qu'on a dit ça, de voir Marine Le Pen et Ménard s'approprier, j'allais dire, les éléments de la dénazification, mensongers par ailleurs, enfin, ce n'est pas surprenant. Mais d'après vous, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passerait avec des gens comme ça qui glorifient des traîtres ? Des traîtres allemands en plus. Parce qu'en plus, c'est même pas dans un contexte français. Je veux dire, les Scholl, ils sont pas français, que je sache. Donc, glorifier des traîtres, pourquoi ? Donc, on a compris que le dénominateur commun, c'est toujours le même. C'est les Juifs. C'est qu'en fait, pourquoi on aime les Scholl à Béziers ? Parce qu'ils ont été au service des Juifs. C'est pour ça qu'on les aime. Donc, moi, j'ai une profonde lassitude par rapport à tout ça. Hein, je le dis franchement, quoi. ça devient lassant, quoi. Ça devient lassant. Que le Parti communiste fasse ce genre de numéro, bon. Mais que l'extrême droite française fasse ce genre de numéro, moi, Oui, bah, je précise que Emmanuel Ménard a voté pour le pass sanitaire. Bah oui. Enfin, le pass vaccinal. Pass vaccinal. Donc, c'est... Voilà, enfin, bon, alors pour Marine Le Pen, bon, j'en termine, mais... donc, Marine Le Pen hérite du Front National de Jean-Marie Le Pen, change complètement la ligne, devient complètement incolore, inodore, sur tous les sujets qui faisaient la marque du Front National, donc essentiellement l'immigration, l'islam. Elle se surprend que Zemmour surgisse sur la scène en s'appropriant ses thèmes, comme si c'était des thèmes qui lui appartenaient de droit et qu'elle n'avait à aucun moment à se battre pour en rester la maîtresse. Non, voilà. Donc elle s'en émeut. Et qu'est-ce qu'elle fait en réaction ? Elle va geindre à Béziers, qui est une ville complètement remplacée. C'est une ville bougnoulisée, Béziers, d'accord ? Donc il faut savoir d'où on parle. En 2022, en France, dans une ville intégralement bougnoulisée, par un maire qui se met en scène avec des rabbins et des imams, chantant les louanges de la République, expliquant que la remigration est odieuse, parce que c'est ce que dit Ménard, hein, que l'idée même de remigrer les allogènes est odieuse, la leader de la droite populiste se met en scène avec ce clown pour geindre sur des traîtres allemands de la Deuxième Guerre mondiale. Mais dans quel asile sommes-nous ? Dans quel asile sommes-nous ? Une question me brûle les lèvres, c'est avait-on le droit lors de cette cérémonie de s'asseoir sur des bancs publics, puisque Robert Ménard, dans le cadre du Covid, avait émis un décret pour interdire aux gens de s'asseoir sur les bancs, puisque ça pouvait favoriser la contamination Covid. Il y a eu ça. Sachant que Jean Castex a qu'à les enlever, il fallait maintenant Sachant que Jean Castex a dit qu'il fallait prendre les consommations exclusivement assis maintenant, parce qu'on pourrait risquer de se contaminer au coronavirus si jamais on boit une bière debout. Il faut manger debout à l'extérieur, mais assis dans les bars. Tu vois, faut quand même être au fait de la loi talmudique. Oui, c'est la loi talmudique. Non, mais c'est la loi talmudique. Hein, c'est la loi talmudique. Alors, tu es assis, non. Sur la plage, c'est des plages dynamiques. Sur la plage, il faut marcher. Parce que oui, bien sûr. Si tu t'assois, tu peux contaminer. Par contre, au bar, tu dois être assis et pas debout et pas bouger. Et la RATP, au milieu des nègres et des bougnoules, ça se passe comment ? Ah oui, non, tu dis. Non, je pose la question. Tu peux plus manger maintenant dans les trains. Non, je veux dire la RATP, métro à Paris. Quand tu prends le métro à Paris, comment ça fonctionne ? Ça contamine ? Ça contamine pas ? Je m'interroge devant tous ces interrogations. Écoutez, moi je viens de voir une vidéo là sur mon téléphone il y a 5 minutes. Ça se passe, je ne sais pas trop où d'ailleurs, quel coin à Nègre, où en fait on voit une bonne femme dans les transports en commun qui est en train de bouffer une nègresse, hein, qui est en train de bouffer du poulet avec les mains par terre. Tu montres ça normal dans un magnifique. Non, mais c'est normal, je veux dire. Magnifique boubou. Mais qu'est-ce qui te scandalise? Écoute, je pense qu'ils sont plus à ça près. Qu'est-ce qui te scandalise? Je ne comprends pas rien. Mais je pense que si elle mange son poulet avec les doigts dans les transports en commun. Ah, t'as vu, tu parles quand même maintenant. Assis ou debout, quelle différence ça fait? Bah écoute, oui, mais je comprends, mais je te rappellerai que 47% des Français estiment que la France n'est pas d'abord et avant tout un pays de race blanche. Alors si tu as un problème avec la France et les Français, bah la porte elle est ouverte. Déjà, elle est plus française que moi. Et puis, Sophie Scholl. Ah ouais. Au cas où ah tu bah là, c'est bon, ça ah fait bah sens. Voilà, alors, tu vois. Ah là, mon Dieu. Bon, brièvement, là, tant que je vous tiens, alors l'élection présidentielle, là, enfin, comment vous sentez ça un petit peu là? Parce que je pense que nos auditeurs ont. J'ai pas dit d'ailleurs ce que je pensais de la démocratie, mais je pourrais, mais comment vous voyez ça? Comment vous sentez les candidatures? Est-ce que ça vous intéresse? Pas du tout. J'ai un seul souhait pour cette élection présidentielle, c'est que Marine Le Pen perde. Mais elle va perdre. Qu'est-ce que tu entends par perdre? Tu vois, c'est relatif. Ah ben non, mais qu'elle passe pas le premier. D'accord. Tour. Enfin, il faut de faillite, enfin, tout ce qui va avec, quoi. Il faut objectif Marine Le Pen. Dallendaes. Voilà, je fais barrage au Front National. Moi, j'en ai rien à faire. Oui, oui, c'est vrai. Vous savez, je suis chroniqueur sur des principes participatifs, donc je me sens obligé de m'intéresser à ce truc. Mais vivement que ça se termine, hein, parce que j'arrive pas à m'intéresser. Hein, c'est... Imaginons, dans quelques mois, là, une oponde Macron deuxième mandat ou Pécresse premier mandat. Qu'est-ce que ça va changer? Ah, j'en sais rien. Bah rien, ça peut changer en pire. Hein. Parce que si l'oligarchie au pouvoir se sent encore confortée par une réélection, ce qui va arriver de toute façon, là, ça va aller encore beaucoup plus loin dans le déploiement de ce qu'on peut appeler le nouvel ordre mondial, tout simplement. Oui. Moi, c'est ce que je veux dire. Enfin, vas-y. Là, Macron a fait un coup de génie, là. On en parlera dans la deuxième partie. Donc, ah bon. Ouais. Okay. Ça sera raccord. Mais comment dire, toi, enfin, je veux dire, peut-être que, ouais, Derek, j'ai envie de t'interroger là-dessus. C'est la candidature Zemmour, dans la forme qu'elle prend, face à la candidature Le Pen. Toi, quand tu vois ça, tu dis que, par exemple, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. C'est, moi, tu trouves qu'il mène bien sa barre, tu trouves qu'il la trouve mal. Il reste là. Oui, bah oui, quand même. Tant qu'il reste là. Là, j'ai vu que Alio disait que c'est très bien, les derniers fous ont rejoint Zemmour. En gros, les derniers hétérosexuels ont quitté le navire du Rassemblement National. Quoi. Les derniers hétérosexuels qui ne voulaient pas finir totalement négrifiés. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire, hein, à mon avis. Ouais. Ou alors, enfin, bon, parce que bon, il y a eu des affaires où on sait qu'il y a une prédation homosexuelle, hein, de ce parti. Hein, Oui, puis Louis Alliot, lui, c'est quelqu'un qui, dès qu'il doit embaucher quelqu'un, il embauche des beurettes. Enfin, on le sait, quoi. Ouais, Louis Alliot, d'ailleurs, qui avait été victime d'homosexuels de Gironde, qui lui avait mis des mains au panier, ouais. Oui. Non, il avait empoisonné, c'est-à-dire qu'ils avaient foutu du GHB, des doses absolument abominables de laxatifs pour qu'il se chie dessus, carrément. Ah, la vache. Un type responsable du FNJ Gironde, qui faisait des mariages de ses colistiers, des mariages d'hommes. Hein, qui vaut donation, oui, tout à fait. Oui. Ouais, donc... Non, moi, je vois d'un bon oeil le fait que le parti Reconquête neutralise le RN, quoi. De toute manière, il faut se dire qu'aucun des deux n'a eu absolument aucune chance de gagner quoi que ce soit. Le seul truc qu'on peut faire, c'est d'éviter que cette connasse de Marine Le Pen, parce que là, ça fait quand même 3 élections présidentielles. Hein. Ça fait quand même un petit moment qu'on se la trimballe, la vieille, là. Elle avait fait la belle après avoir été s'être fait rouster en 2017 au second tour. Ah ouais, on la sent. Bon. Elle se sent plus. Non, mais elle se sent plus pissée, hein, c'est incroyable. Elle se sent plus pissée, hein, elle se sent plus pissée. Et si elle passe au second tour, bah c'est-à-dire que ça va continuer, puis tu vas quand même avoir toute une bande de suiveurs de merde qui vont continuer à aller dans son sens. Donc pour que ce truc-là puisse être le plus insignifiant possible, il faut qu'elle perde. Marine Le Pen doit perdre, c'est l'objectif pour 2022, il n'y en a pas d'autre. Hein. Il n'y a pas de victoire possible. Hein. La moitié des Français ont peur. Quand ils rencontrent des non-vaccinés, il ne faut pas se faire d'illusions sur l'état de ce peuple et de ce qu'il est capable de faire. S'il peut dégager MLP, c'est déjà bien. Hein. Ça sera de quoi se satisfaire. Sinon, non. Voilà. Mais oui, voilà, il faut dégager cette saloperie. Quoi. Ça fait plus de 10 ans qu'elle nous pourrit la vie. Elle est nulle à chier, quoi. Elle est nulle. Là, en plus, est-ce qu'il y avait besoin d'aller faire cette sortie avec l'autre rabbin, là, Ménard, hein? Non, c'était pas la peine. Elle a encore fait une tournée une tournée triomphale à Mayotte le mois dernier. Ah oui, oh, on en a parlé dans l'émission, hein, avec quand même des prières musulmanes. Enfin, pas des, c'était pas des. Il y a eu des appels à la prière musulmane avant la prise de parole de Marine. Alors non, non, non, non, non. On a des nègres. Non, parce que tu as eu les pastilles bleues de Twitter qui ont tenu à souligner que ce n'était pas un appel à la prière. Ah bon. Ouais. Ils ont tenu à recadrer les choses. C'est juste une prière. Ils ont dit que c'était une invocation. Ah, ah oui. Bon. Vous êtes rassuré. Vous êtes rassuré. Allah, non, mais je rigole pas. Je rigole pas. C'est-à-dire que tu as eu des. Moi, j'ai vu. Hein, les mecs disaient, oh, il y a eu un appel à la prière. T'avais des pastilles bleues, quoi. Les pastilles bleues de Twitter. Hein. C'est pas un appel à la prière. C'est une invocation. Ils étaient en train d'écumer. Marine, voilà. Invocation islamique. Islamique. Islamique. Islamique. Absolument. Islamique. Dans des trois nègres. Comment ça s'appelle, à carte d'identité française, avant que Marine Le Pen ne prenne la parole. Bon, quand on en arrive là, c'est qu'il est temps de tirer la chasse. Hein. Donc il faut tirer la chasse. Il faut que Marine Le Pen dégage. Si Zemmour, voilà, moi ce que j'espère, c'est que Zemmour ne va pas abandonner entre temps. C'est-à-dire que oui, il faut deux signatures par exemple, tu vois. Ouais. Ben, bon, j'y crois pas trop. C'est-à-dire que si Valérie Pécresse veut avoir une chance d'avoir un ticket au second tour, bien sûr. Il est obligatoire que Éric Zemmour ait ses parrainages. Sinon, c'est que les élus républicains sont des trolls. Ceci dit, c'est pas à exclure, hein, parce que là le. Vous avez vu que Valérie Pécresse avait appelé les députés républicains à voter pour le pass vaccinal. Oui, mais c'était un logique. Tiers du groupe a voté pour. Ah oui, oui. Un autre tiers a voté contre. C'est parti et dans tous les sens. L'autre n'a pas voté. C'est-à-dire que elle n'est pas en capacité de tenir ses élus. Donc, c'est pas impossible que même si en sous-main elle essaie de faire avoir les signatures à Zemmour, il ne les ait pas. Donc, bon, ça serait une catastrophe parce qu'on aurait Marine Le Pen au second tour, encore une fois. Donc, bon. Non, je crois pas que les LR soient stupides à ce point-là. Je pense qu'ils veulent quand même que leur candidate. Parce qu'après tout, LR ayant. Parce que il faut bien comprendre. Il y a du fric derrière. C'est-à-dire que si. Ah oui, déjà. Au plus, il y aura du fric qui vont se rapporter sur eux. C'est mathématique. Ça fonctionne comme ça. Quand tu as du fric, quand tu as un bon score, un score élevé à l'élection présidentielle, pendant 5 ans, tu es arrosé de pognon. C'est pour ça que Marine Le Pen doit se voter, déjà, ne serait-ce que pour être en gauche. Pour assécher le marais et faire crever les moustiques, effectivement. Il faut assécher le marais, quoi. Effectivement. Drain the swamp. Mais, Marine Le Pen, mais ce que je voulais dire, c'est que toutes les pires saloperies sont venues de la droite historiquement en France, jamais de la gauche en fait. C'est la droite qui est le véhicule de prédilection des idées de gauche. Ça a été le cas pour l'avortement, le regroupement familial, enfin toute une série de saloperies. Et comment dire, enfin voilà, je veux dire, donc c'est Je fais confiance à Valérie Pécresse pour poursuivre l'œuvre déjà très considérable de la droite gaulliste en France. Hein, quand même. Mais, En tout cas, je pense que Déric met le doigt sur quelque chose de crucial, c'est-à-dire que je ne sais pas trop ce qu'on a à gagner, effectivement, avec cette élection chiante, hein, évidemment que ça se termine. Je peux voir ce qu'on a à perdre et perso, je crois que cette discussion a... amplifier le sentiment que j'avais avant, c'est de toute façon faut accélérer en fait. Vous savez, le mouvement accélérationniste, faut accélérer à fond. Donc faut un truc qui bouge quoi. Zemmour, pas Zemmour, j'en ai rien à foutre. Moi j'étais plutôt sur une ligne Sandrine Rousseau, j'étais déçu qu'elle ne passe pas parce que là ça aurait été fantastique. Quoi. Là on aurait rigolé mais de fou quoi. Et ça aurait fait peut-être bouger des trucs. Voilà. Donc ça bougeote quoi, ça bougeote à moitié. Moi je suis sur une ligne ouvertement accélérationniste. Faut accélérer plein gaz, hein, plein gaz. Et j'espère que ça va bouger parce que. Moi idéalement j'aurais aimé un deuxième tour, comment dirais-je, Éric Zemmour, État islamique, Zemmour, mais comment dire. Mais on fait avec ce qu'on a, hein. Bon voilà, donc bref. Il y aurait des petites dynamiques qui seraient mises en place. Mais sur le fond, moi, j'aimerais un peu expliciter quand même mon point de vue sur les élections, la démocratie. C'est-à-dire que les gens raisonnent en termes abstraits quand ils entendent démocratie, élections, c'est très bien, ils disent « Ah, le peuple va se prononcer ». C'est comme si... je souligne à chaque fois deux points, deux dimensions. Le peuple qui croit aux élections va se prononcer, c'est surtout ça. Oui, enfin... Déjà, voilà, c'est ça. Il faut bien. Voilà. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire pourquoi je suis contre la démocratie. Il faut sortir des abstractions. C'est-à-dire qu'on dit démocratie, élection, c'est toujours bien. À chaque fois qu'on fait appel à l'abstraction, à la théorie, c'est séduisant et les gens tombent dans le panneau. Mais quand vous dites élection, vous dites électeur. Donc vous devez vous intéresser à la composition de l'électorat, précisément. D'accord ? Et là, vous avez dit en gros ce qu'il faut dire, c'est-à-dire que vous avez un électorat d'un certain âge, c'est-à-dire qu'on a un électorat vieillissant en France. Et plus les années passent, plus il vieillit. On est en 2022, en 2030, on va avoir 21 millions de retraités en France. C'est une donnée fixe, prévisible, c'est de la démographie. 21 millions de retraités. Ces gens-là, ils vont voter, ils vont survoter. Quand vous voyez Darmanin aller au Conseil constitutionnel pour dire à Laurent Fabius il est impératif que on fasse passer le vote par correspondance, parce qu'en substance c'est ça, vous pensez bien que c'est pas simplement parce qu'ils aiment bien la thématique du vote par correspondance. D'accord ? Il y a un calcul. Oui, c'est parce qu'il y a des boomers qui ont peur d'aller voter, c'est tout. Voilà, peur d'aller voter. Mais s'ils reçoivent chez eux le bulletin de vote, ils vont tous voter comme des fous. Alors que les jeunes, même s'ils reçoivent des bulletins de vote chez eux... Ils votent déjà comme des fous, mais c'est effectivement... Les jeunes ne voteront pas. Ils ne voteront pas. Même si vous envoyez un bulletin de vote à un jeune chez lui, il ne votera pas. Parce qu'il sait, vous voyez, d'instinct comme quoi... Enfin, les catégories concernées savent d'instinct que tendanciellement, ils ne peuvent pas l'emporter. Que c'est de l'encul. Bien sûr, non, mais ils savent ça. Donc, en fait, les boomers, on en aura 21 millions en 2030. Sans aller jusqu'en 2030, tout de suite maintenant, on en a 17 millions sur le dos. 17 millions. Bon, ceux-là, ils vont survoter. Ils vont survoter, d'accord ? Donc ça, c'est déjà une donnée. Ensuite, on a les allogènes. Bon, ceux-là, ils votent en général très peu. Il y a très peu de mobilisation en général chez les allogènes. Mais quand ils votent à 90-95% pour des partis de gauche ou pour Macron. Maintenant, donc ils sont pas fous. Je veux dire, la dinde célèbre pas Noël, donc ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, quand vous regardez l'évolution raciale de la composition du peuplement en France, quand vous regardez son vieillissement, vous avez déjà ce que Lugan appelle l'ethno-mathématique électorale. Vous savez déjà ce qui va se passer dans les urnes. Vous n'avez pas besoin de voilà. Donc, en fait, on est déjà sorti de la démocratie. La démocratie, au sens purement théorique. C'est quand vous avez un peuple qui est plutôt jeune, qui est homogène racialement et ethniquement, qui se cherche une détermination commune. Mais quand vous êtes dans une société multiraciale et vieillissante, vous avez des tensions ou des forces centrifuges qui tirent chacune dans sa direction, d'accord ? C'est des phénomènes pratiquement physiques, contre lesquels vous ne pouvez rien. Donc, la démocratie théorique, c'est bien gentil, mais c'est la démocratie électorale pratique qui nous intéresse. D'accord. Et ensuite, la démocratie, ça fonctionne quand tu as une société effectivement homogène, avec une pyramide des âges qui ressemble pas à un entonnoir. Quoi. Exactement. Nous, la pyramide des âges, c'est on a, enfin, faut regarder hein, le truc. Hein, donc t'as les vieux à partir de 85 ans, ouais, non, je crois, où t'as pas grand monde, mais tout en dessous là, t'as 20 années. De fils de pute. Oui, et puis tu sais exactement ce qui va se passer. Il n'y a que dalle. Et là, avec le Covid, plus personne ne fait de gamins. Alors, le vaccin, les nanas qui font plus de règles, ça c'est une chose. Mais c'est-à-dire que, imagine-toi, les gens ne veulent pas faire des gamins avec, où tu sais que à peine ton gamin est né, on va y foutre un masque sur la gueule. Ouais, non, mais c'est vrai, bien sûr. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que ces gens-là qui sont là pour putain. Qui flippent de leur race parce qu'ils n'arrivent pas, parce que peut-être on va les empêcher de faire des croisières où ils vont bouffer de la merde pendant des semaines sur des bateaux à la con, ils empêchent les gens normaux de faire des gamins, enfin, les boomers sont des terroristes, hein. Moi j'ai un problème avec ces gens, il va falloir leur faire payer de plusieurs manières, quoi, hein, que ce soit... Dès qu'on aura la main sur eux, Il va pas falloir se geler. Alors, ouais, faut... il y a pas mal de questions qui se posent sur le. Ouais, il y a aussi. Tu parlais de Lugan sur la démocratie. Il y a une remarque que j'ai entendue de Lugan sur la démocratie qui m'avait plu. C'est-à-dire qu'il avait dit qu'il y avait beaucoup de gens qui recevaient des aides sociales ou alors qui dépendaient d'une manière ou d'une autre de l'État, soit en étant fonctionnaire, soit en étant retraité. Donc, c'est des gens qui vont nécessairement voter pour une reconduction du système. C'est pour ça que. Un candidat qui arriverait en disant il faut reformer les finances, il faut réduire la fonction publique, etc. Mathématiquement, on parlait de l'ethnomathématique, bah, son discours aura très peu d'écho. Donc il y a pas mal de. Bon, ça c'était un point. Et puis je voulais dire aussi autre chose, c'est qu'on ne sait pas encore à ce stade si il sera nécessaire d'avoir un pass vaccinal pour aller voter. Ce sera quand même nouveau. S'il y a bien une nouveauté peut-être dans ce genre d'élection, ce sera peut-être celle-là. Parce que si c'est la généralisation du vote par correspondance, on en a déjà parlé un petit peu, mais c'est des enveloppes que l'on envoie et dont il est possible de connaître le contenu. S'il y a des gens mal intentionnés, on ne sait pas, hein, qui veulent s'intéresser au contenu des enveloppes. Oui, alors non, mais il faut savoir. Il y a les élections. Hein, non, il n'y a pas besoin justement au titre de l'ethnomathématique, mais si jamais, parce que je ne sais pas quoi, on ne sait pas, effectivement ils peuvent. Mais vous savoir un truc, c'est qu'il y a une proposition de loi qui a été faite par un député de passe citoyen. Alors c'était marrant parce que sur Twitter, toujours, il y avait un anti-vax. Enfin, je ne sais pas si c'était vraiment anti-vax au sens strict, ce n'est pas un dogmatiquement anti-vax, mais qui était très. Qui était scandalisé par le pass vaccinal et ses implications sociales, et qui disait... non, d'ailleurs, c'est un mec de gauche, d'ailleurs, hein, assez médiatique, je crois qu'il s'appelle Gaillard, je crois, de mémoire. Hein, et qui disait, bon, bah en fait, votre truc, vous avez qu'à interdire les isoloirs, machin, vous appelez ça le pass citoyen. Et il disait, merci, à plus tard. Le mec faisait de l'ironie, dans une certaine mesure. Je dis bien dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'il pensait quand même ce qu'il disait. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que 48 heures plus tard, lors des débats pour les amendements et tout, un députain, un députain... On va le garder, ça. Un députain plaçait cette demande. Il disait, voilà, pass citoyen, truc... Le pass citoyen, c'est quoi? Bah, faut être piqué pour aller voter. C'est la suite logique de ce que disait Macron, sur lequel on va revenir après. Alors... Bon, simplement pour donc j'ai parlé de la composition de l'électorat plutôt que en mettant en garde face à la démocratie théorique et aux élections théoriques qui séduisent tout le monde sur le papier. Mais il y a aussi juste un truc, Gandalf. Ouais. Juste pour cette histoire de composition d'électorat, petite parenthèse, il y a aussi 50% des électeurs qui sont des électrices, d'accord. Donc voilà, donc ça aussi c'est important. Il n'y a pas juste le côté boomer. Il y a aussi la différenciation sexuelle, donc les électrices, hein. Sont des personnes qui sont biologiquement guidées par leurs émotions, qui sont manipulables. Et ces gens-là, ces électrices, elles ont un droit de vote qui est strictement égal au vôtre. Voilà. Ça pour je vais faire ma parenthèse. Pour ne pas parler des halogènes, bien sûr, qu'ils utilisent assez peu, mais quand même. Et puis, il y a autre chose. Ça, c'est le corps électoral. Mais ensuite, il y a la manipulation en amont par les médias. À qui appartiennent les médias? Essentiellement à l'État ou alors aux oligarques? Des gens comme Drahi, Niels... etc. Donc, en fait, le travail de préparation de l'opinion, et je ne parle même pas de l'éducation nationale qui en charge les gamins, enfin, qui façonne des générations, etc. Les associations. Donc, ce travail permanent de travail de l'opinion, il a lieu entre chaque élection. Donc, quand on a tout ça entre les mains, et quand on regarde la théorie démocratique, je veux dire, on ne parle pas du tout de la même chose. Je veux dire, la démocratie pure, théorique, sur le papier, où vous avez des citoyens égaux, éclairés, qui se déterminent sur les... Oui, tout ça, c'est bien gentil. Sauf que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Les masses sont gouvernées par leurs émotions, elles sont grégaires, on peut leur faire peur, notamment par les médias ou par l'action de l'État. On peut, comme un troupeau, l'intimider pour qu'il aille dans une direction plutôt que dans une autre. On peut... soudoyer des figures qui peuvent l'influencer. Alors aujourd'hui, c'est des influenceurs par YouTube, etc. Vous avez vu Carlito et compagnie à l'Elysée auprès de Macron, ça a fait un carton sur YouTube, désolé. Hein. Ça a fait des millions de vues, les gens étaient très contents, hein, quoi qu'on en pense. Hein. Donc, la démocratie en pratique, c'est ça. Vous voyez, donc, la démocratie sera toujours entre les mains de puissances d'argent généralement cosmopolite, liée à d'autres intérêts financiers internationaux, qui ne sont pas les intérêts du peuple du pays en question. Deuxièmement, vous avez des impondérables, c'est-à-dire une espèce de tension permanente. Ça peut être, alors en France aujourd'hui, maintenant, ça peut être des confrontations presque entre générations, parce que comme vous l'avez bien dit aujourd'hui, ce que dit Jérôme Sainte-Marie, par exemple, c'est un sociologue, il est de gauche, hein, je l'admets, il n'y a pas de problème, mais il dit, on est avec les retraités aujourd'hui, on est un peu dans la même situation qu'il y avait au milieu du 19e siècle. Avec les paysans qui étaient un petit peu propriétaires de leurs terres. Ils n'étaient pas propriétaires de grand-chose, mais ils étaient propriétaires, ils tenaient beaucoup à leur titre de propriété, justement. Et les retraités, aujourd'hui, ils sont pensionnaires, ils dépendent de l'État. Bon, bah, vous faites comme vous voulez. Ils dépendent de l'État, ils plébisciteront l'État. Point barre. Voilà, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Donc, voilà. Donc, la démocratie théorique, c'est bien gentil. La démocratie pratique, c'est complètement différent. Quand vous savez ça... Ça nous amène à tirer les conclusions. Et ma conclusion, c'est qu'il faut une dictature blanche, de la jeunesse blanche. Sortie de ce paramètre-là, ça ne mène à rien. D'accord ? Alors, quand je dis dictature blanche, je ne dis pas « ouais, il suffit de le vouloir et ça se fait ». Mais je vous dis qu'en principe, quant à nos idées, il faut être clair. Si vous n'êtes pas acquis à cette idée que la jeunesse blanche ou les travailleurs blancs, de manière générale, doivent imposer leur dictature totale sur tous les autres groupes, vous n'avez rien compris à ce qui se passe en France. Rien. C'est-à-dire que vous subirez la dictature des autres groupes. Vous subirez la dictature des autres groupes. Donc c'est dictature contre dictature. Et c'est à vous de choisir la dictature que vous voulez. Et moi, je le dis ici, soit c'est la dictature des travailleurs blancs et des forces vives blanches en France, soit c'est la dictature de ces gens-là, soit c'est la dictature des autres. D'accord ? Tous les débats démocratieux, etc., c'est de la perte de temps. Voilà. Ça, je voulais bien le dire, que ce soit très clair. Donc, les gens qui sont en train de perdre leur temps avec Zemmour, machin, vous faites avoir... par ce miroir aux alouettes électorales. Vous vous faites avoir par ça, ça hypnotise tout le monde a les yeux rivés là-dessus en se disant que miraculeusement il va se passer quelque chose. Non, pour les raisons qu'on a dites, pour les déterminismes qu'on a énoncés, il n'y a aucune espèce d'évolution positive qui en sortira, bien au contraire. Donc, face à ça, il n'y a qu'une solution, je le répète, je le martèle et j'en termine, la dictature des classes actives blanches. Ça, c'est un programme politique sur lequel on peut se retrouver. Avant de faire une pause musicale, je voulais quand même parler d'un sujet douloureux et tragique, qui est la disparition de Stéphane Blett, pianiste, artiste, musicographe français de renommée, reconnu, respecté dans l'art qu'il pratiquait, donc il y a quelques jours, en Suisse. C'est une disparition qui me paraîtrait très, très révélatrice. Alors, je tiens à dire que je ne connaissais pas bien Stéphane Blett au sens de ce qu'il pouvait dire, de ce qu'il pouvait faire. Donc, je n'étais pas quelqu'un qui était très informé, on va dire, de son actualité. Je connaissais son nom, je le connaissais essentiellement par l'intermédiaire d'Égalité et Réconciliation, dont il était proche en fait, et qui l'avait mis en avant, et c'est comme ça que j'avais connu son nom, que j'avais entendu de temps en temps s'exprimer sur telle ou telle question. Alors, j'étais pas toujours d'accord avec lui sur la politique internationale, mais j'ai jamais considéré que c'était rédhibitoire, enfin je veux dire, voilà, Je respectais bien évidemment cet homme, mais je ne connaissais pas très bien. Mais je savais qu'il avait été persécuté par les Juifs de manière absolument odieuse au fil des ans et qu'il s'était finalement réfugié en Turquie. Alors, de ce que l'on sait, donc il résidait en Turquie de manière habituelle, et suite à des problèmes personnels, il avait décidé de se changer les idées en allant visiter des amis en Suisse, et d'après des proches à lui, lors d'une visite d'amis en Suisse, eh bien, il aurait chuté du sixième étage. Alors la question se pose, est-ce que quelqu'un l'a poussé du sixième étage? Est-ce qu'il s'est suicidé par désespoir? Je ne suis pas enquêteur, je ne sais pas. Je ne sais pas, chacun a évidemment son idée sur le sujet. Mais c'est profondément tragique, parce que cet homme, dans des circonstances complètement différentes, c'est-à-dire dans une France qui n'aurait pas été sous la botte intégrale des Juifs, aurait pu complètement s'adonner à son art, partager son art avec son public, faire connaître la musique qu'il aimait à ce public, et essayer de défendre finalement les arts français. Il était reconnu, j'ai dit, il a été décoré en tant que pianiste, avant d'être déchu de ces mêmes décorations en 2019, sur exigence de la juiverie qui avait juré, en fait, de l'anéantir. Et la juiverie est allée au point d'harceler sa mère de près de 90 ans à son domicile pour lui soutirer quelques milliers d'euros, alors que lui-même était en exil. Aboutissant d'ailleurs à son hospitalisation. L'hospitalisation de sa mère. Donc ça, c'était sous l'effet de l'action de la LICRA, des Juifs de la LICRA, ses amis de l'humanité. Donc il faut bien se mettre dans la peau de Stéphane Blett, en exil en Turquie, loin de ses proches, apprenant les tourments que subissait sa mère, âgée, sous l'effet de l'action des Juifs, ne pouvant plus donner de concert, puisque les Juifs s'étaient assurés qu'ils ne puissent plus se produire à l'étranger, ce qui a été encore aggravé avec le Covid, puisque restrictions ont été posées sur tous les voyages internationaux, les rassemblements publics, notamment pour les concerts, etc. Donc c'était un homme pour lequel la musique était sa vie, et qui était enfermé en Turquie. Alors je crois qu'il a eu des problèmes personnels, sur lesquels je ne vais pas m'étendre, parce que je ne connaissais pas la personne, et c'est pas, ça ne me concerne pas, et ça ne nous concerne pas, mais l'homme a été poussé, acculé, jusqu'à la mort, par les Juifs. Donc c'est ce degré de gravité que ça prend, maintenant. C'est ce degré de gravité que ça prend. Et donc je voulais quand même en parler dans l'émission, parce qu'il faut bien comprendre que ces ordures de Juifs que vous voyez tous les jours appelées à la vaccination des enfants, par exemple Fischer a appelé à la vaccination des 5-11 ans, on sait que ça va tuer, hein, on sait que ça va tuer des enfants, donc ça va plonger des familles dans des situations qu'on n'imagine pas, d'accord ? C'est-à-dire que statistiquement on sait que ça va tuer des enfants, on sait qu'il y a des familles qui vont être ravagées par la mort de ces enfants, et vous avez ces Juifs narquois, rigolards, qui nous narguent à la télévision, c'est les Rutel-Krieff, c'est les Salomon, c'est les Fischer, etc. Et ces gens-là ont tué Stéphane Blett. Donc à force de harcèlement, à force de tout. Voilà. Simplement parce qu'il avait parlé. Donc moi, je voulais quand même dire à quel point cette machine qui est en place en France, ce gouvernement de criminels qui est en place en France, tue des gens, brise des vies, brise des talents. Parce que quand on écoute Stéphane Blett jouer, on comprend qu'il y a encore quand même sous la cendre, il y a encore quand même quelque chose qui vit en France. Voyez. Il y a encore des Français qui peuvent porter quelque chose. Et cette engeance pourrie que sont les Juifs s'assure de tout détruire. Et de détruire des êtres comme ça. Ça me révolte profondément. Je voulais en parler. Je ne dis pas que je suis d'accord avec tout ce qu'a pu déclarer Stéphane Blett, ses choix, etc. Chacun en pense à ce qu'il veut, mais c'est profondément, profondément, profondément révoltant. Et il faut en parler. Il faut en parler. On ne peut pas être complice des Juifs par le silence. Voilà. Donc, je tenais à le dire. Je ne sais pas si vous souhaitez vous exprimer là-dessus. Si vous ne souhaitez pas, je le comprendrai parfaitement parce que vous n'avez peut-être pas informé. Voilà. Mais voilà, je voulais quand même le dire. Et évidemment, je présente mes condoléances à ses proches, à sa famille, à ses amis, à tous ceux qui l'apprécient. C'est une perte et voilà. Mais il faut mesurer, le coût humain que les agissements des Juifs ont en France. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et juste à absolument rajouter un petit mot, parce que c'est vrai que c'est absolument dégueulasse de voir à quel point les Juifs se sentent... C'est vraiment une sale race, quoi. Mais vraiment, quel sale peuple, quoi. Ce harcèlement qu'ils ont opéré envers ce pauvre bonhomme et sa pauvre maman, c'est vraiment dégoûtant, quoi. T'as fait référence, Gandalf, là, j'ai l'imprimé écran sous les yeux, là, des Juifs, vous savez, qui envoient des huissiers pour voler des euros, des milliers d'euros à des gens. Donc, ils envoyaient des huissiers à la dame de ce monsieur pour dire, voilà, bah, faut quitter les lieux, vous habitez plus chez vous, maintenant ça nous appartient, donnez-nous des milliers d'euros. Donc forcément, ça génère une dose de stress absolument incroyable. C'est vraiment une sale race de vipères, de rapaces. Et alors, je ne vais pas revenir sur les choix personnels de Stéphane durant sa vie ou sa carrière, ça ne regarde pas. Simplement pour dire qu'en fait, finalement, on a affaire à quelqu'un qui a bien compris que c'était une guerre, en fait, une guerre totale. Les Juifs, en tout cas, l'ont bien compris, c'est certain. Il y a des gens qui prennent peut-être un peu trop à la rigolade la situation grave dans laquelle on vit, et ça a des conséquences désastreuses, donc comme on vient de le voir. Et il y a aussi d'autres gens qui ont bien compris aussi la gravité de la situation. Quand je vois qu'en face, des gens qui sont censés être dans notre camp, en fait, jouent la légèreté, l'amusement, toujours le petit divertissement, vous savez, des gens qui proposent que la futilité est un peu comme les boomers, en fait. Vous savez, il y a des boomers d'extrême droite. Des gens qui sont censés être de notre côté, qui proposent juste la jouissance sans les Arabes, des gens qui ont pour business model de raconter des conneries sur YouTube, par exemple. Hein. Déjà, des gens qui sont sur YouTube en 2022 sans subir les persécutions que nous avons subies, je trouve ça un peu suspect. Voilà, des gens qui vont profiter en fait de cette misère pour se faire du fric aussi. C'est pas un jeu. Le docteur Joseph Goebbels avait tout à fait raison quand il a parlé de guerre totale. On est dans une guerre totale idéologique. Faut pas l'oublier parce qu'après, bah, y a des drames qui surviennent, quoi. Oui, je connaissais pas bien non plus. Stéphane Blay, je sais que donc c'était quelqu'un qui était membre de la franc-maçonnerie dans un premier temps, puis qui ensuite s'en était écarté, puis avait écrit un livre sur le sujet. Je crois que c'est son œuvre littéraire. Donc il avait du talent dans son domaine et la musique classique, c'est vrai que ça fait du bien d'en entendre, puisque quand on voit ce qu'est devenu le bruit qui se fait appeler musique aujourd'hui sur les antennes de type Skyrock, Fun Radio, bon, je préfère évidemment mille fois mieux Stéphane Blay. Alors c'est assez, je pense qu'on peut mesurer aussi l'hypocrisie journalistique, puisque étant quelqu'un qui était un petit peu, semble-t-il, il avait des contacts assez haut placés. Alors très curieusement, j'ai entendu parler, bon, dans une histoire qui n'a rien à voir, mais de Natacha Ray, là, vous savez, qui parle de Brigitte Macron, bon, bref. Et a évoqué Stéphane Blay, pas pour dire qu'il était mort, mais elle a dit que, je pense que c'est vrai, que Natacha Polony, donc la journaliste assez connue, bon, aurait été en couple avec Stéphane Blay. Alors là encore, c'est la vie privée, on pourrait dire que ça ne regarde pas. Mais si cela est vrai, ça prouverait donc que Natacha Polony, ça l'a pas dérangé de fréquenter des gens sulfureux. Et même d'être lié avec eux, et par ailleurs de les critiquer face à l'antenne. C'est-à-dire que là, on voit tout le côté puant de finalement du milieu journaleux qui sait très bien, hein, des gens comme il y avait aussi des gens comme Ardisson qui savaient très bien qui dirigeait la France et tout ça, mais qui évidemment se taisaient parce que ça pouvait compromettre leur carrière. Donc ça, c'est aussi un élément, je pense, assez important. Oui, c'est ça que j'apprécie chez Stéphane Blay, c'est sa grande droiture. Quelqu'un de très pur, en fait. Ça manque, la pureté. Et c'est l'art qu'il pratiquait qui lui conférait cette pureté-là. Vous voyez, comme quoi la pratique des arts, sans être un antitote absolu, a quand même des vertus. Et je crois que ça le protégeait et l'élevait beaucoup. Et c'est ce qui fait qu'il a pu aller au bout de son cheminement. Hélas, dont la conclusion est tragique. Alors bon, suicide, meurtre, n'étant pas enquêteur, n'ayant pas d'informations, je ne sais pas, mais la disparition de cet homme est tragique. Mais quel contraste avec tous les médiocres de notre époque. Quel contraste. C'est moi j'en reste simplement à ça, quoi. Voilà, quoi. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Ouais, puis quand il y a une mort un peu suspecte, comme c'est le cas ici, si jamais nous, on ne fait que poser des questions en disant peut-être qu'il s'est passé quelque chose, que quelqu'un lui voulait du mal, ne serait-ce que sur le plan de l'hypothèse, on n'a pas encore les moyens de vérifier. Là, les Mendès France et compagnie vont nous traiter de, les fact-checkers vont nous traiter de complotistes, bien sûr. Mais quand il y a une personne qui décède, par exemple, quand il y avait eu Berezovski, qui était un des super oligarques russes, qui avait détourné des millions, voire des milliards, pour son propre profit. Lorsqu'il était mort, Vladimir Berezovski, lorsqu'il était mort dans les circonstances troubles, effectivement, forcément, on avait attaqué, Poutine, etc., alors qu'il n'avait pas du tout les moyens de prouver quoi que ce soit. Je dis pas ça pour défendre en particulier Poutine, mais je veux dire, ne serait-ce que quand nous, on pose des questions, c'est du complotisme, alors que c'est tout simplement une volonté de savoir. De toute façon, s'il était dans un état dépressif qui a entraîné sa mort et son suicide, de toute façon, c'est pas venu comme ça. C'est-à-dire que c'est lié à la persécution que vous avez décrit tout à l'heure. Donc voilà. Absolument. Je vous propose de faire une pause musicale justement avec Stéphane Blais. Qui interprète Debussy, un auteur français, et on se retrouve tout de suite après. Thank you. Nous revoici pour la deuxième partie de Démocratie participative, saison numéro 7, épisode numéro 2. Rubrique numéro 4, les sales juifs de la semaine. Alors, là, vous allez juger sur pièce, c'est vraiment paroxystique. Le mot n'est pas trop fort. On est évidemment dans le cadre de la... Covidisme le plus total, les effets d'aubaine se multiplient, et vous avez les zélotes qui se manifestent au sens le plus strict de ce nom. Article du Midi Libre, signé par une femme blanche, Morgane Masson, dont j'invite les auditeurs à examiner avec la plus grande attention la prose, puisque le choix des mots est important. De quoi s'agit-il ? Eh bien, je vous lis ça tout de suite. Vous allez, je crois, peut-être pas être surpris, mais tout de même être conforté dans ce que vous allez entendre. Voici cet article. « Voilà une parution qui va faire du bruit », nous dit Morgane Masson. Dans une tribune publiée en exclusivité sur le site du Parisien, un avocat et un médecin appellent à un durcissement des mesures et considèrent que des poursuites pénales pourraient être le pendant judiciaire d'une obligation vaccinale. Poursuivre en justice les non-vaccinés pour l'administration d'une substance nuisible, la mise en danger de la vie d'autrui, ou pire, pour homicide involontaire en cas de transmission du virus ayant conduit à la mort, cette proposition choque. C'est la formule de Morgane Masson, hein. Proposition choque. Elle émane ce dimanche 9 janvier de la tribune publiée sur le site du Parisien en exclusivité et est signée par Maître Benjamin Fellouz. Alors, de son nom complet, Benjamin Abraham Fellouz, avocat au barreau de Paris, et du professeur David Smadja, professeur d'hématologie à l'Université de Paris. Alors là, je fais une pause, parce qu'il faut quand même voir la tête des oui. intéressés. Hein. Il faut quand même voir de quoi on parle, parce que sinon on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Moi, c'est dur, hein, je veux dire. C'est le sentier, quoi. Hein, Moi, j'ai l'impression d'être. Gros. Oui. Oui. Hanouna paraît hyper beau, hein. Voilà, Hanouna est une publicité pour la pureté de la race blanche. Tout à fait. Alors, je continue. Alors que le projet de loi sur le pass vaccinal arrive au Sénat ce lundi 10 janvier, des milliers de personnes ont défilé dans les rues ce samedi contre ce texte. Une mobilisation boostée par les récents propos d'Emmanuel Macron qui disait vouloir emmerder les non-vaccinés. Très décrié, le pass vaccinal semble en revanche insuffisant pour les deux signataires de la tribune du Parisien qui, eux, estiment qu'il est désormais indispensable d'aller vers une obligation vaccinale. Pour Maître Benjamin Abraham Fellouz et pour David Smadja, la vaccination contre le Covid remplit les conditions suivant lesquelles la vaccination obligatoire peut être admise. Je cite « Si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l'objectif poursuivi, il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d'une part, la contrainte et le risque présenté par la vaccination pour chaque personne vaccinée, et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité, dans son entier. Après avoir rappelé que la vaccination diminuait les risques de contagiosité et de gravité du virus, le médecin et l'avocat estiment que les effets secondaires indésirables « rarissimes » entre guillemets sont largement dépassés par les effets bénéfiques et positifs des vaccins permettant de diminuer la transmission, la gravité, les passages en réanimation et la mortalité. Cette réflexion pour mener à la proposition suivante, je cite « Il devrait exister un risque pénal latent à faire peser sur une personne qui refuse sciemment de se vacciner et qui transmettrait le virus de la Covid-19. Dans leur argumentaire, le scientifique et l'avocat avancent qu'une personne non vaccinée peut se rendre coupable de, je cite encore, l'infraction d'administration de substances nuisibles, comprendre d'empoisonnement. Un non vacciné, je cite encore, conscient de la gravité du virus et en capacité de se faire vacciner, qui contaminerait alors une personne qui contracterait la Covid-19 de par sa faute et qui en décéderait ou aurait un Covid long, pourrait être condamnable ? S'interroge Morgane Masson. Réponse : l'arsenal pénal le permettrait en tout cas, selon les deux signataires. Ces infractions pénales pourraient être le pendant d'une obligation vaccinale qui, si non respectée, pourrait voir une traduction pénale en cas de contamination d'un tiers via la caractérisation d'une infraction pénale, écrivent-ils. Et de conclure, en ne mâchant pas leurs mots, l'obligation vaccinale et l'arme pénale permettraient de faire peser un risque pénal sur celui qui transmet la mort encore plus que de l'emmerder en l'empêchant d'aller au cinéma ou au restaurant. Donc ça c'est Smadja et Fellouz qui répondent un petit peu aux non-vaccinés, prenant la défense d'Emmanuel Macron en disant « Oui, Emmanuel Macron vous emmerde en vous empêchant d'aller au cinéma ou au restaurant, mais vous tuez des gens ». Alors, c'est la fin de l'article, hein. Donc voilà, alors, moi je veux quand même m'arrêter là-dessus, avant de vous donner la parole. Est-ce que si demain, moi je fais une proposition, bon pas moi on va dire, parce que je ne suis pas forcément très, très médiatique, enfin si quelqu'un de très médiatique en France fait une proposition en disant, voilà, il est temps de ne plus soigner gratuitement les étrangers. Est-ce que Morgane Masson va dire que c'est une proposition choc qui va faire du bruit ? Ou est-ce qu'à la place, elle va faire un long article, comme savent le faire les journalistes blanches, en hurlant au fascisme, au racisme et à la restriction de la bite africaine à laquelle elle aspire ? Moi, je pose la question quand même. Alors, bon, c'est une question rhétorique, mais je me la pose quand même. Je ne suis pas sûr que le traitement serait tout à fait identique au plan journalistique. Bon, ça, c'est pour le Midi Libre avec Morgane Masson, qui, je suis convaincu, n'en est qu'au début de sa carrière, et les retournements historiques étant ce qu'ils sont, pourrait être amené à répondre de sa prose ultérieurement. En tout cas, chers amis, je vous donne maintenant la parole. Est-ce que Maître Smadja... non, le docteur Smadja, moi je les confonds, hein, Fellouz, machin, enfin bon, les deux youtres là, est-ce qu'ils vous ont convaincu ? Bon, ils m'ont convaincu, mais pas forcément sur l'argumentaire. Convaincu sur les mesures, les mesures oui, de coercition oui. À l'égard de la race juive, oui, ça effectivement, oui, là je suis convaincu pour le coup. Et tu as noté que le professeur est. Spécialisé dans l'hématologie, je crois, dans tout ce qui concerne les maladies du sang. Les juifs ont un goût pour l'empoisonnement du sang d'autrui. C'est assez intéressant comme spécialité pour ce youtre là qui. Il y a des permanences. Il y a des permanences. Ouais. Oui, il y a des redondances dans l'histoire et particulièrement chez ces gens, des redondances depuis des milliers d'années. Alors, il faut voir les gueules des intéressés quand même, hein, parce que oui. J'en parlais à Derek, hein, je disais, écoute, il faut quand même regarder le. C'est effrayant. Enfin, je veux dire, c'est Nosferatu, hein. C'est Nosferatu, ils ont des gueules, mais des gueules de rabbins, les pires gueules de rabbins que tu puisses imaginer, je veux dire, dans la banlieue de Jérusalem, oui, hein. c'est du terrifiant, quoi, c'est du terrifiant. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est bien au-delà du juif médiatique auquel... Ah oui, c'est pas Finkielkraut, hein, c'est pas Finkielkraut, hein. Là, non, c'est même pas Zemmour, si tu veux, c'est même pas Zemmour, c'est même pas Eindhoven. Là, on est sur de la terreur jérusalémique qui se lit sur le visage, quoi. C'est vraiment le. Enfin, toute ah, oui. La saloperie juive qui est marquée dessus, se dit, c'est voilà, 3000 ans de crime, 3000 ans de crime qui dégueule sur. Et là, il arrive, je signe ma tribune. Goy, je veux. Je veux te prendre. Ah oui, non, mais là, parce que le concept. Si tu t'es appliqué, je vais te criminaliser. Non, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que toi, non vacciné, tu empoisonnes autrui et je vais te poursuivre au titre de l'empoisonnement. Parce que tu refuses de prendre la potion d'Albert Bourla. Donc, c'est-à-dire que c'est l'empoisonneur qui te poursuit en justice et qui te fait cracher du fric pour empoisonnement parce que tu as refusé de te faire empoisonner. C'est, je crois, que c'est la forme la plus aboutie de Chutzpah que nous n'avons jamais vue. Je ne crois pas qu'on ait qu'un équivalent. On se dit souvent qu'avec les Juifs, on a tout vu. Oui. Et là, je dois t'avouer que là, je ne m'y attendais pas. Là, j'ai failli tomber de ma chaise. Oui, c'est deux Youpin m'ont pris par surprise. Quoi. Là, ça va, paf, le truc. C'est-à-dire que même les antisémites les plus blanchis sous le harnais sont encore surpris par la perfidie et la chutzpah des Juifs. C'est vous dire. Voilà, c'est-à-dire que ceux qui à la limite prendraient un risque dans cette histoire-là, ce serait les non-vaccinés. Imaginons que on va dire que le vaccin fonctionne, etc. D'après ce qu'ils en disent. Bon, ça fonctionne. Donc les vaccinés sont protégés et les non-vaccinés le sont moins. D'accord. Et donc les non-vaccinés seraient coupables d'empoisonner les autres, ils risquent rien. Bon. Le juif, il arrive, il renverse la table pour hurler de douleur. Attention, si le goy n'est pas condamné, si le goy non vacciné n'est pas condamné à lui payer des sommes incroyables pour des maladies imaginaires, il va. Ça sera l'équivalent d'une nouvelle Shoah. Enfin, Mais ce qui est, donc ouais, les Juifs. Quoi. Ce qui est fou, c'est. Je citais le cas de Stéphane Blett, c'est-à-dire que Stéphane Blett est mort des persécutions des Juifs, de la LICRA, dont vous avez vu que les avocats, les huissiers persécutaient sa mère de 86 ans, etc. Vous voyez Bourla qui empoisonne à tour de bras, vous voyez Fischer qui veut inoculer les gamins de 5 ans. Vous voyez Vincent Renoir qui se fait, qui est obligé d'entrer en clandestinité parce qu'il fait des vidéos à une audience très modeste. Je veux dire, Vincent Renoir, il a un public, quand il fait une vidéo, il fait 1000, 2000, 3000 vues quand ça marche bien. C'est très modeste. Et vous voyez ça dans tous les domaines se déployer. Je ne parle pas de la politique étrangère, bien évidemment, là c'est encore plus flagrant. Quand vous additionnez tout ça, vous dites, mais cette race. Et là, effectivement, quand vous croyez avoir atteint le sommet, en fait, non, les Juifs ont encore quelque chose pour vous en stock. Et là, ils arrivent et ils disent, à vous les non-vaccinés, donc qui refusez la potion du Juif Bourla. Vous refusez d'être empoisonné, ben on va vous poursuivre pour empoisonnement. Et là, ils t'inventent un truc, mais t'as transmis le truc. Non, mais si tu suis leur logique, demain, mais attention à ce que je dis, hein. Demain, n'importe qui pourra poursuivre n'importe qui parce que t'as reçu la grippe. C'est-à-dire que ces mecs-là sont en train d'essayer de faire un billet sur la transmission du rhume. C'est le niveau de la race juive. C'est pas moi. C'est une tribune du parisien, parce que ce serait deux Hébreux qui seraient un avocat juif, qui vont toujours en train de chercher du fric, et un charlatan juif, quelque part placé dans un billet, qui se livrait entre eux à leur élucubration. C'est une chose. Mais ils ont une tribune dans le parisien. Une tribune. Et attention, elle n'est pas petite, parce que moi je vous ai donné la version du Midi Libre, mais c'est une version édulcorée. Hein. Le parisien, c'est une dissertation. Pourquoi ? Pour que la race juive, pour que le peuple élu puisse faire un billet sur la transmission du rhume. Tout ça, s'il vous plaît, pris au premier degré. Et si vous mouftez, vous êtes un antisémite, passible des tribunaux. On en est là en France. Alors moi, je pose la question, ça va durer jusqu'à quand exactement? Parce que, d'accord, un caillou, ça tombe, d'accord. Mais à quel moment ça touche le sol? À quel moment ? Enfin, il y a des lois de la physique quand même. Donc les Juifs vont pousser leur truc jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ça va durer, exactement ? Jusqu'à quand la LICRA ? Jusqu'à quand le CRIF ? Jusqu'à quand leurs charlatans en blouse blanche ? Jusqu'à quand leurs avocats qui mentent comme ils respirent ? Jusqu'à quand les Rutel-Krieff ? Jusqu'à quand toute cette juiverie ? Jusqu'à quand ? Il y a une limite dans le temps, dans l'espace. Même la race juive est gouvernée par les lois de la physique. Donc jusqu'à quand ? Moi, je vous pose la question, je pose la question aux auditeurs, j'espère une réponse. Mais au bout d'un moment... Jusqu'à quand peut-on encore tolérer les non-vaccinés ? C'est ce qui te répondrait. Bah, là, oui, bah là, justement, dans l'argumentaire, alors en plus de tout ce qu'on va dire sur tout le reste, parce qu'on va parler de Macron, etc., là, il faut maintenant aller détrousser les cadavres, ce qui était une tradition juive. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, les armées de Napoléon le savaient très très bien. Enfin, c'était très connu de toute façon, les juifs étaient spécialisés dans le détroussage de cadavres hein, sur les champs de bataille. Hein. Donc là, c'est ça, c'est ce qu'on nous explique. C'est-à-dire qu'une fois que le système covidiste se sera chargé des non-vaccinés, il s'agit de les ruiner. Et là, vous voyez ces faces de crochus comme le Smadja ou le Fellouz pointer leur nez crochu pour dire « on va venir détrousser les cadavres ». Ouais. Et on veut une loi pour avoir l'autorisation de détrousser les cadavres. Et vous ne comprenez pas d'où vient Adolf Hitler maintenant ? Vous ne comprenez pas d'où ça vient ? Vous ne savez pas d'où vient le national-socialisme ? D'où vient Adolf Hitler ? Vraiment ? Vous êtes sûr de ne pas savoir ? Méditez bien là-dessus. Hein. Méditez franchement bien là-dessus. Il y a beaucoup de choses à désapprendre et beaucoup de choses à apprendre. Là, vous avez un exemple sous le nez. Hein. Et ça, cet exemple-là est criant, puant d'hébraïsme, mais en aucun cas surprenant. Mais ils en sont là en France. C'est-à-dire que c'est leur niveau d'effronterie. C'est leur niveau d'effronterie en France aujourd'hui. Voilà, je vais te dire, ils n'ont pas de honte particulière à faire cette tribune-là. Au contraire, hein, c'est l'hubris juive dans toute sa splendeur, la toute puissance, en tout cas. Qu'ils estiment être toute puissance, oui, c'est pas, ils n'ont pas forcément tort hein, de l'estimer comme ça. Bah moi je dirais juste un truc, quand tu vois l'extrême droite française dirigée par Marine Le Pen qui se précipite au pied de la statue de Sophie Scholl, est-ce que tu te sens inquiet, si tu veux, pour ta sécurité physique? Est-ce que t'es pas un peu encouragé à poursuivre un petit peu sur la même voie? Tu vois ce que je veux dire? Quelque part. Bah, l'extrême droite française. Robert Ménard, quelque part. Ne s'émouvra de la vaccination obligatoire que si elle concerne nos compatriotes d'outre-mer. C'est pas faux. Là, D'ailleurs, moi, il y a deux choses qui me. Bon, je vais en revenir, mais. moi, quelque part, de cœur, je suis maintenant complètement guadeloupéen. Hein, je veux dire. voilà. J'ai dit beaucoup de mal des Guadeloupéens, des Antillais de manière générale. Peut-être emporté par ma passion, j'en pense peut-être pas tout à fait la totalité, voilà. Moi, quand je vois les Antillais se révolter violemment contre le covidisme, voilà, moi je vois les Blancs qui vont en rang faire la queue pour prendre leur troisième deux, mais comme des sous-hommes. Je sais pas, au bout d'un moment, tu sais, l'évolution, c'est compliqué aussi, quoi, tu vois, moi, quand je vois les Noirs des îles qui se révoltent parce qu'ils disent « moi, je veux pas de ton poison, sale juif », c'est pas formulé tout à fait comme ça, mais c'est pas loin d'eux. Moi, l'évolution, elle parle, moi, je suis attentif. Je veux dire, moi, j'ai mon carnet, je suis désolé, voilà, c'est comme ça, hein, voilà. Alors oui, je suis raciste à la base, mais bon, faut le prouver encore, hein. Hey, la supériorité raciale, ça se prouve, hein, ça se prouve au quotidien, désolé. Hein. On est d'accord. Tu es méritocrate, hein. C'est à partir du moment où les gens montrent des qualités, tu sais les reconnaître, hein. T'as bien raison. Moi, je voudrais rapporter un éclairage de, c'est pas moi, mais évidemment, c'est Michael Eden, là, ancien PDG adjoint de Pfizer, qu'il a quitté il y a 10 ans, là. Bon, il avait participé à Hold Up, etc. Bon. Alors là, il a fait une émission qui me semble vraiment très importante, il y a 2 jours, à Greiner Fulmich, vous savez, l'avocat qui veut faire un nouveau procès de Nuremberg pour... cette fois pas pour y juger les nationaux-socialistes, mais pour juger les mondialistes qui ont organisé la plandémie. Et Yidon a vu qu'il y avait des effets secondaires, c'est vrai, mais aussi tout un tas de gens qui ne semblaient pas souffrir particulièrement d'effets secondaires. Et il a estimé ou établi qu'il y avait 10% des moins de 10% des lots qui entraînaient plus de 90% des effets secondaires. Et il s'est interrogé là-dessus, il a creusé avec des amis et il a vu que ce n'était pas possible si l'on respectait les lois de la, comment dire, de la manufacture, on dit enfin les lois qui existent dans la production industrielle d'un produit qui est censé toujours être dosé de la même manière, etc. Il ne pouvait pas y avoir d'incidence. Quand ça existait dans le cas du vaccin de la grippe, quand un lot était défectueux pour une raison, une anomalie quelconque, c'était tout de suite suspendu et puis on changeait, etc. Mais c'était vraiment exceptionnel et rare. Et là, il en vient à la conclusion, certitude absolue, alors on dirait qu'il n'a pas toutes les preuves, etc., mais que cet empoisonnement, c'est-à-dire le fait que 10%, moins de 10% des lots soient très dangereux, soient contiennent vraiment du poison, eh bien tout simplement, c'est intentionnel. Et que en fait, on veut tuer des gens un petit peu sur, justement sur le principe de la roulette russe. C'est-à-dire que... Et Fulmich qui dit ça, bah oui, si jamais ils avaient mis le même poison dans toutes les fioles, tout le monde s'en serait aperçu puisque les gens auraient été très malades, voire on serait tous morts juste après. Donc voilà, là encore, on pourra me dire, voilà, vous n'avez pas 100% les preuves. Moi, je ne fais que rapporter ce que dit ce monsieur, mais qui est quand même très sérieux. Donc je crois qu'on y trouve une clé d'explication. On pourra trouver une autre clé d'explication dans le fait que certains, voilà, ont une personnalité, chacun a sa personnalité biologique que l'on peut trouver, voilà, étudiée par le biais de l'ADN, etc., le système HLA. Mais là, on a peut-être une autre clé. Alors, messieurs. On va quitter un petit peu nos juifs, là. Enfin, non, pas vraiment, mais les deux, là, en question, là, bon, qui veulent détrousser les cadavres, faire du fric sur les persécutions contre les non-vaccinés, qui sont 6 millions, officiellement. Moi, je retiens les chiffres, hein, voilà, bon, c'est les chiffres qu'on nous donne, mais c'est pas vrai, parce qu'en non-vaccinés, il y en a beaucoup plus que ça, mais alors, il y a ceux qui sont éligibles, pas éligibles, bon. Officiellement, il y a 52 millions de vaccinés. Ok, bon, ça, c'est les chiffres officiels. Bon, voilà. Alors, attends, les non-vaccinés, tu sais, ça dépend de oui, maintenant, ça change, oui. Dire. Ça dépend de ce qu'on veut, de ce qu'on veut oui. démontrer. Oui. Bah, si tu n'es pas triple ou quadruple vacciné, je pense que d'ici 15 jours voilà, par semaine, ouais, c'est vrai, ouais. Quelqu'un qui n'a pas reçu sa quatrième dose sera considéré comme un anti-vax fanatique. Tu vois, ça sera de sa faute si les gens meurent. Hein. Donc, oui, des assassins de vieux, avec des pincettes. Des meurtriers de vieux. C'est ça, c'est ça. Non, mais les gens rigolent, mais c'est ça, c'est ce que disaient les deux juifs, là. Les deux youpins, c'est ce qu'ils disaient. Ils disaient, voilà, ah, sûr, vous avez transmis le Covid, et c'est prouvé, ouais, vous avez tué quelqu'un, etc. Mais rendez-vous compte, quoi, l'audace, quand même. Mais quoi, les boomers. On parlait d'un sondage tout à l'heure, hein, deux tiers des boomers craignent pour leur vie quand ils sont en compagnie d'un non-vacciné. Voilà, c'est comme ça. Bah, moi, je comprends ce sentiment-là, parce que moi, quand je suis en compagnie de nègres et d'arabes, je ressens un peu la même chose. Oui, non, mais il y a... Enfin, oui, mais enfin, c'est une inquiétude qui n'a jamais été entendue, et pourtant, c'était la mienne, et voilà. Donc, ouais. Bah, non, mais je veux dire, c'est réel, quoi. Je veux dire, d'accord, ok, très bien, les vieux se sentent en danger au contact de non-vaccinés, d'accord. Bah, okay, non, mais c'est pas les vieux, hein. C'est vraiment les boomers, c'est-à-dire que... Au-delà, j'ai vu un graphique, en fait, d'ailleurs, qui montrait les comment dire, les gens en réanimation selon leur classe d'âge. En proportion, les moins de 80 ans, les 70-80, sont plus à risque que les plus de 80 ans. Donc les plus de 80 ans, ils sont moins vaccinés que les boomers. Hein. Ouais. Non, les vieux, ils sont moins vaccinés, ils vont moins en réanimation, ils sont moins à risque que les boomers. Ouais. C'est assez particulier quand même. Hein. Donc ces gens-là sont en mauvaise santé, ils bouffent n'importe quoi, ils passent leur vie à aller dans ouais, enfin, ouais, c'est ça. Ouais. Bah oui. C'est pas les mêmes générations. Ils ont pas consommé la même chose. Tout à fait. Ils n'ont pas consommé la même chose. Ils bouffent de la merde. Ils ont des picousses d'insuline pour leur faire rentrer le sucre dans les cellules et pour pas pourrir de l'intérieur, quoi. non, mais c'est ça. Et ces mecs-là, ils flippent de tout. Maintenant, ils flippent de tout depuis qu'il y a ce truc-là. Donc ouais, le non vacciné, ouais, ben il n'y a pas le vaccin, il veut pas me sauver, donc s'il existe, je vais mourir. C'est ça, ça c'est l'état, c'est l'état de cette Toi, catégorie de personnes ils sont ouais. qui sont la majorité de la, enfin qui sont les gens qui détiennent le capital en France, qui votent. Qui Et survote, donc même, qui survote, qui qui survote, donc voilà, c'est que ce sont eux qui décident du sort de la nation et de notre sort, hein, accessoirement du nôtre. Oui, mais moi, je sais, dans l'émission, on a vraiment essayé de faire passer le message, il n'y a pas que nous, mais y a quand même un facteur générationnel, il y a un facteur racial, c'est pas que les jeunes s'en sortent franchement mieux, je veux dire, hein. Mais y a une masse et bon voilà, enfin c'est clair quoi. Alors messieurs, des chiffres, on aime les chiffres, hein. Et quand on les aime pas, on les aime quand même, hein. Alors, un tweet sympa que j'ai lu cette semaine, qui résume à peu près la situation. La théorie du complot de l'année dernière vient d'être adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale sur le passe vaccinal, hein. Où en gros, t'as pas de vie sociale, si t'as pas de passe vaccinal, c'est-à-dire que c'est pas vacciné, machin, tu peux rien foutre, quoi. C'est ça. Tweet sympa qui méritait d'être cité. Donc c'est juste pour dire, parce qu'on est quand même traité comme des fous, des salopards, quand on n'est pas traité de meurtrier, etc. Donc Oui, c'est. non, on est traité d'assassin, hein, Oui, d'assassin, voilà. pas de Donc problème. il faut quand même replacer un peu les choses dans le contexte. Effectivement, la théorie du complot de l'année dernière est notre réalité d'aujourd'hui. Voilà, c'est au plan légal, c'est incontestable. Alors, point numéro 1, messieurs, déclaration de Castex, hein, BFM TV le 6 janvier. Quatrième dose dès l'autorisation. Donc là, les gens sont en train de se faire piquer pour la troisième. Ok? Castex, probablement avec beaucoup d'assurance et beaucoup de pression aussi, à mon avis, a balancé, mais vraiment a mis carte sur table, hein. Il a dit, voilà, les gars, la quatrième, elle est dans les tuyaux. Ok? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation. La quatrième, elle est déjà dans les tuyaux. Véran, il y a 15 jours, dans un petit live qu'il a fait, je crois que c'était sur TikTok, je crois. Il a dit, parce que quelqu'un lui posait la question, c'est combien de doses il en faudra au total? Genre, il y avait un naïf qui voulait savoir si c'était la dernière ou l'avant-dernière. Il dit, mais écoutez, la quatrième, la cinquième, on est sur la troisième, hein. Il disait, mais la quatrième, la cinquième, et tant qu'il faudra pour que, ouais, pour que quoi, pour que, je sais pas, quand les juifs sont contents, quoi. Donc, il n'y a pas de fin en vue, voilà. Et Castex, on pourrait se dire qu'il marcherait sur des œufs en ce moment, compte tenu du contexte politique, etc. Pas du tout. On voit bien qu'il y a une escalade de Macron dans le covidisme total, et le pari de Macron et de sa clique, c'est de dire. On va faire un maximum de voix chez les boomers en faisant des caisses dans le covidisme. C'est-à-dire, les gars, quatrième dose, cinquième dose, les mecs non vaccinés, putain, on va les ravager, on va leur en foutre plein la tête, vous allez voir, ça va franchement dégager. Voilà, c'est ça le pari en termes de communication, en termes politiques. Et ce qui amène donc Castex à faire cette déclaration. Donc la quatrième dose, dès le 6 janvier, elle est annoncée. Hein? Pour que ça soit. Donc la quatrième dose, ça va être quoi? Bah, ça va être mise à jour avec Omicron. Fatalement. Donc un update, quoi. Sauf qu'à Omicron, ça va nous amener au propos de Geert Vandenbosch. Qui a dit, grosso modo, bon, Omicron, en fait, c'est plutôt un coup de bol, parce que, grosso modo, il immunise toute la population. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un rhume, en gros. C'est un rhume qui se transmet super bien, qui ne. Comment ça s'appelle? Qui qui ne ne tue cause pas, pas. quoi, ouais, voilà, pas de forme Ouais, grave, non, c'est pas rien, ça. ouais. C'est que vraiment, il est moins. Il est moins. Comment dire? Mon Il fait moins état. de dégâts qu'une grippe saisonnière. Ouais, beaucoup D'accord, moins, c'est vraiment un rhume, quoi, hein, c'est vraiment un rhume. Donc c'est très bien, c'est-à-dire que ça perd les gens qui l'attrapent acquièrent une immunité naturelle qui est bien plus efficace qu'une immunité induite par par l'ARN avec la protéine Spike qui risque de te boucher tous les vaisseaux. Donc oui, c'est effectivement, et au micro, c'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Ouais, c'est ce que disait Van den Bosch. Mais il disait, il ne faut surtout pas vacciner contre Omicron. Bah non, oui, effectivement. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, parce que sinon, ce que vous allez faire, c'est, vous allez... Bah, c'est tout ce qu'il... Enfin, moi, j'ai expliqué ça dans l'émission à longueur de temps, depuis peut-être pas un an, mais depuis des mois. Il dit, voilà, on a cette chance incroyable d'avoir ce virus qui se réplique très vite, qui occupe très vite l'espace laissé par la vaccination, mais qui est très peu virulent, enfin, qui est très peu dangereux. Donc, c'est une chance inouïe. Et il dit... Je lance un appel, il ne faut surtout pas vacciner contre Omicron. Si on vaccine contre Omicron, là par contre ça peut vraiment faire de la casse. Au sens, par la pression de sélection, on peut avoir une version d'Omicron létale. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mais même si pour l'instant il n'existe pas de vaccin. Ils n'ont pas mis à jour, mais Bourla a annoncé qu'il allait le faire. Le temps qu'il le met en jour, la vague sera passée. Non, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Le problème est le suivant. Je suis d'accord avec toi au niveau du temps biologique. Mais le problème qu'on a, c'est le temps politique. Donc Bourla a dit, on va mettre à jour notre vaccin et il nous va falloir 3 mois pour Omicron. Ça nous amène quelque chose vers mars. Si les gouvernements décident de prendre ce vaccin et de le distribuer, voilà, avec un temps de latence, imaginons. Ça nous amène sur avril, mai, juin, pour les premières doses. Le problème que tu vas avoir, c'est qu'ils vont relancer la machine. Et c'est impossible que ces gens ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc, tu as un problème, c'est que tu as des gens, enfin, c'est des bioterroristes. Ils sont en train d'essayer d'activer en permanence des variants très dangereux. C'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils recherchent. Donc, par la vaccine... Enfin, on est là-dedans. J'en profite, oui, le Omicron se diffuse plus chez les vaccinés que... Tout à fait. Les vaccinés, hein, bon. Donc, qui corrobore la thèse. C'est une chance. Voilà, c'est-à-dire que c'est une chance que là, le truc soit assez inoffensif. Mais si... Si un variant plus costaud toucherait serait facilité par des anticorps, hein, justement, prévus pour accueillir, ouais, facilitateur, du coup, et qu'il y ait un variant plus méchant, ben les triples, quadruples vaccinés. Mais tu deviens cible, tu deviens cible. Donc bon, c'est pour ça qu'il faut quand même garder. Pour tous ceux qui nous écoutent, gardez la tête froide, essayez de choper au micro, hein, c'est possible. Ça serait... Vous gagnerez quelques mois de répit, vous pourrez un petit peu souffler et éviter tant que faire se peut de prendre ces trucs-là. Quoi. Non, mais le mieux, c'est de rien choper du tout. Hein. Oui. Bah, le Omicron, enfin, c'est un rhume, quoi. Oui, à raison de 200 000 par jour. Alors, il se peut que je l'ai chopé, mais enfin bon, si tel est le cas, je me suis remis rapidement. Maintenant, ça reste à prouver. Hein. Je n'ai pas fait de test. Mais oui, Omicron est moins dangereux. Non, mais enfin, quand on resitue dans le cas de leur stratégie qui n'a rien de médical, mais qui est une stratégie de contrôle des populations. Les gars ne peuvent pas laisser ça tranquillement crever avec Omicron, hein. Ça c'est très clair, quoi. Ils peuvent pas être là, ah ouais, bah finalement on a du bol, hein. Vous avez vu, oui, non, là c'est la mauvaise nouvelle, quoi. Pour eux c'est la mauvaise nouvelle. C'est d'ailleurs, quand on regarde ça avec du recul, ça explique assez bien le vent de panique qu'ils ont essayé d'organiser, qui est complètement un contretemps. D'ailleurs, on voit que le pass vaccinal qu'ils essayent d'imposer maintenant au titre d'Omicron, bah, en fait, il y a un délai, parce que c'est marrant, en fait, ce qu'on est en train de vivre là au niveau parlementaire. On a un virus qui est inoffensif, et pendant qu'on a un virus inoffensif, on nous passe des mesures pour serrer la vis, pour foutre la vin. Ouais, de guerre totale, en disant... De guerre totale contre... Ce qui marchait dans le climat de décembre, mais marche plus en climat de janvier. Mais comme il y a une telle lenteur dans le passage de ça machin, ça marche plus. Oui, je suis d'accord. Ça marche très bien. Hein. Les villes, la moitié des Français ont peur des non-vaccinés. Ils ont peur de mourir quand ils. Oui, c'est certain. Tout à fait. Ça marche très bien. Ça marche, mais il y a quand même maintenant. Une plus large part de la population qui se pose des questions, quand même. Je pense qu'il y a quand même plus d'interrogations, je le vois même chez les journalistes. Je suis pas convaincu. Si, quand même. Il y a quand même des mecs qui disent, ouais, bon, attendez, là, c'est un peu... Bon, ça va un peu vite, quand même, là, est-ce qu'on ferait pas mieux de souffler ? Enfin, c'est beaucoup moins unanime que ce qu'on connaissait il y a encore 6 mois. Bon, là, on avait quand même des mecs qui disaient takbir à chaque fois que tu disais non, peut-être qu'on ne devrait pas se vacciner et tout machin. Enfin, on avait des takfiristes du covidisme quand même, quoi. Enfin, les mesures sont pas les mêmes. Avant, on pouvait avoir un semblant de vie sociale, sortir un petit peu en se faisant un test. Ça a duré d'ailleurs une semaine ou je ne sais plus. Ça a été réduit à 48 heures, puis à 24 heures. Et là, il y a maintenant ce truc-là pour empêcher les trucs. C'est-à-dire quoi. Enfin, il faut voir que les gens qui nous font passer ça sont des fanatiques. C'est vraiment des mesures ultra-violentes. Hein. Le pass vaccinal, ultra-violent. C'est bizarre. Quoi. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et la plupart, tous les types là qu'on voit sur les plateaux télé sont des fanatiques pour dire putain mais ceux qui veulent pas le pass vaccinal c'est des assassins en puissance qui domine c'est pas les types qui posent des questions tu as des gens qui se disent putain ouais là, quand même c'est bizarre ça s'arrête là et se questionnent on vient leur dire que c'est des assassins en puissance et pardon Yahvé je ne voulais pas trop vous déranger pendant votre œuvre, et puis voilà. Hein. Alors, ce que tu viens de dire, c'est très important, parce que je suis d'accord avec toi, Serge. J'ai tendance à grossir un peu le trait, mais je sens quand même, si tu veux, un frémissement dans l'opinion. Je sens, si tu veux, que par rapport au départ où on était très peu nombreux à être critiques, il y a maintenant une minorité. Elle est minoritaire et assez nettement, mais une minorité solide qui maintenant interroge vraiment le discours officiel, et pas simplement avec des rumeurs, mais avec des données dures. Donc ça, c'est quand même très positif. Un exemple de cette évolution, c'est Blachier. Pujadas aussi. Pujadas, etc. Bon, je pense que si tu veux, c'est des gars qui sont... qui se disent, bon, faut faire quand même attention à ce qu'on est en train de raconter, parce que il peut y avoir des revirements assez brutaux, ça pourrait mal se terminer aussi pour nous. Tu vois, bon, alors après, que les écrous seront resserrés derrière, mais il peut y avoir des moments de flottement quand les faits ne collent vraiment pas avec ce qui est proclamé. Je veux dire, bon, ils sont d'accord de servir de joint, mais au bout d'un moment aussi, tu vois, les gars disent, bon, il y a quand même une limite à la connerie, quoi. Je veux dire, on peut pas non plus encaisser... pour vous les décideurs, si vous dites vraiment, franchement, n'importe quoi. Mais il y a quand même un truc fondamental sur l'histoire de la loi sur le pass vaccinal, qui est passé en urgence d'ailleurs, après la panique Omicron, qui est en fait injustifiée, c'est que c'est effectivement et indubitablement un changement complet de société. Je ne vois pas comment le formuler autrement. On passe d'une société qui était une société... c'est difficile à décrire parce qu'on était quand même une société démocratique, mais où les libertés anthropologiques étaient respectées. Bon, dans une certaine mesure, ça s'était aggravé considérablement ces dernières années. Bon, on l'avait un peu préfiguré dans la mission, on avait souvent expliqué que... On partait souvent de la liberté d'expression, d'ailleurs, on disait souvent que voilà, la liberté d'expression était simplement le fait de pouvoir penser ce qu'on pense. Quoi. Bah, oui, nous avons décrit une bolchevisation progressive de la société. Ouais. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Maintenant, là, ce qu'on vit, c'est effectivement une bolchevisation totale. Alors, je sais que c'est un phénomène un peu bizarre, parce qu'on se dit, bah, c'est une oligarchie qui prend le contrôle total. Comment parler de bolchevisation alors que nous avons affaire à une oligarchie radicalisée? Mais le bolchevisme, c'est exactement ça, en fait. Il y a une oligarchie rouge dans les systèmes bolcheviques. Et le bolchevisme a été financé par la grande finance juive new-yorkaise. Donc ça, on le sait aussi. Donc, contrairement aux fausses oppositions dialectiques, ce que nous vivons est parfaitement connu, étudié, a déjà eu lieu par le passé. Mais surtout, on vit un moment où on bascule dans une société de privilèges. On rentre dans une société de privilèges qui est imposée par le haut de la caste. Dans un moment de rationnement. Ça, c'est très important à piger. On rentre dans un moment de rationnement. Tout va être rationné. Tout va être rationné. D'accord ? Absolument tout. L'accès aux soins, tout. Tout va être rationné. Pas parce que ces gens ont voulu être méchants. C'est parce qu'il y a des données lourdes de fond qui mettent la pression sur le système, que ce système est menacé. Enfin, en gros, les démocraties depuis... Le système démocratique aux mains de cette oligarchie financière est menacé, qui a été mis en place en 1945, est menacé, d'accord, existentiellement. Et là, on passe dans la phase d'élimination. C'est-à-dire qu'il faut choisir qui va survivre. Et parce qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, en gros. D'accord ? Donc on rentre dans cette phase de rationnement. Dans une phase de rationnement, de raréfaction des ressources, d'accord, d'argent, de tout ce qu'on veut, là, le système se dit, bon, on va faire face à un risque révolutionnaire. On le sait. Comme on va faire face à un risque révolutionnaire, on va l'anticiper. Donc c'est là qu'ils sont arrivés avec leurs histoires de pandémie et de réchauffement climatique, c'est la fin du monde, etc. Si jamais vous sentez que tout va mal, c'est normal, c'est soit le virus, soit il fait trop chaud. Mais en fait, il s'agit d'expliquer le rationnement aux gens, sans prendre le blâme, sans que les accusations ne remontent vers le haut de la pointe dirigeante. Maintenant, dans ce type de société rationnée, les boss, c'est ceux qui disent « Toi, t'as le droit d'avoir ça, et toi, t'as pas le droit d'avoir ça. » Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'expliquer aux gens, d'accoutumer les gens, d'habituer les gens, de domestiquer les gens pour qu'ils acceptent cette société de privilèges. Et le privilège est conditionné par la soumission. Donc, c'est là qu'on entend des trucs complètement nouveaux qui arrivent en disant « Non, mais en fait, vous savez, les mecs obéissent pas, qui sont pas vaccinés, donc ils peuvent pas aller là. Ils peuvent pas aller là. Ils peuvent pas faire ça non plus. » Alors que c'est complètement irrationnel au plan médical. Mais c'est pas une discussion médicale qu'on a en ce moment. C'est une discussion politique. On a une discussion politique. Et là, toutes les impostures sont en train de s'écrouler. Je prends un témoin à nos auditeurs. Allez voir le niveau des discussions dans la mouvance antifasciste. De grâce, allez lire les antifas. Allez les lire sur la question virale, la question de Pfizer. Ces types sont le bras armé de Pfizer. C'est-à-dire que vous lisez Mediapart, leur discours, c'est pas « Putain, on est manipulé par Big Pharma, on est manipulé par des gigamilliardaires qui ont doublé leur fortune en 2 ans, il y a quelque chose qui est en train de se passer. » Non. Les mecs, c'est « Il faut lutter contre le complotisme, hein, mais il faut être pédagogue, il faut que tout le monde prenne sa dose, mais il faut bien expliquer aux gens, parce que sinon, ils vont basculer à l'extrême droite. » Ça, c'est plein aile, en ce moment, le trotskiste à la botte de la CIA. Ceux qui pigent pas, pigent rien. J'ai vu un coup formidable cette semaine de Usul, un gauchiste twitcher de merde. Ah oui, lui, il a la tête à l'envers, lui. Hein. Ben, putain, non, non, mais non, il sait très bien ce qu'il fait. Il a fait une attaque contre les boomers, comme quoi les boomers seraient des anti-vax. Ben, en fait, c'est en fait que le sentiment anti-vax, c'est les boomers, en fait. C'est le niveau de saloperie dont sont capables les trotskistes, dont Usul, parce que Usul est une, et d'ailleurs Usul est un bourgeois numérique digital de Mediapart qui tient en respect la plèbe de gauche pour le compte de ses patrons, et on sait très bien qui sont ses patrons, on sait très bien qui sont les boss de Plenel. Donc c'est là que toutes les impostures tombent, de la même façon qu'à l'extrême droite, tu vas trouver les tocards qui vont faire la pub de Pfizer. Je veux dire, c'est un vrai moment de dévoilement qu'on vit en ce moment. Oui, il y a le média, il faut le citer quand même, hein, c'est un média ami, hein, le média L'Incorrect, qui est avec Jacques de Gibbon, qui fait une promotion de la vaccination obligatoire et une attaque des antivax que n'aurait pas. Enfin, oui, qui ferait pas lire Tristan Mendès France. C'est ça, mais c'est ça. C'est, on est dans ce moment-là, tu vois. C'est, en fait, t'es pour le système ou t'es contre le système? La question, elle n'est pas sanitaire, ok? Ça fait longtemps que le discours sanitaire a complètement volé en éclats. Je veux dire, vous n'avez pas à vous fier à nous. Moi, je suis pas scientifique, mais je me réfère à des gens qui ont des backgrounds scientifiques. Les autres vont dire, oui, mais nous aussi. C'est-à-dire, bon, bref, il y a quand même des trucs qui sont indéniables. Je veux dire, quand tu vois au Danemark les données officielles qui t'expliquent que les vaccinés chopent plus le Covid que les non-vaccinés, au bout d'un moment, il faut quand même se poser deux, trois questions, quoi. Donc, pour ne citer que cela, quoi. Donc, de toute façon... Oui, et puis, comme on l'a dit, le fait de mettre un serrage de vis, ce passe vaccinal obligatoire, alors qu'il y a un variant inoffensif qui circule... non, effectivement, ça n'a rien à voir avec les questions de santé et tout à voir avec le contrôle de population. Bien sûr. Et là, quand tu me cites de Gibbon pour L'Incorrect, de toute façon, qui est un crypto-communiste, hein, parce qu'il ne faut pas rêver, hein, la doctrine sociale de l'Église, oui, donc le communisme, parlons clair. Il aime la juiverie. Oui, mais c'est tout ça, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est Vatican II, c'est les Youtres, c'est le communisme sans l'aimer, c'est toujours la même chose, quoi. Voilà, au bout d'un moment, tout ce qui vient de Palestine, ça finit mal, quoi. Hein? Ouais, faut pas se mentir, quoi. Je veux dire, voilà, c'est soit tu regardes vers le nord, soit tu regardes vers la Palestine, la Judée appelant l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite appelant les déserts d'Irak, etc. Bon, voilà, chacun son imaginaire, mais c'est pas le cas. Dans le cas de cet horrible personnage de Gibbon, semble-t-il que sa position contre les non-vaccinés viennent du fait que Éric Zemmour soit contre le pass vaccinal et qu'il se trouve que l'ancienne compagne de M. de Gibbon est l'actuelle d'Éric Zemmour. Donc c'est vous dire le niveau de placement politique de ces gens. Bah moi, ce que je constate... Zemmour n'a pas toujours été contre le pass vaccinal. Il a tenu des propos en faveur du pass. Donc là, il joue un petit peu l'ambiguïté. Marine Le Pen était pour la vaccination massive, peut-être pas obligatoire, mais là, elle semble un peu dire non, il faudrait supprimer quand même le pass. Et puis Macron, en disant qu'il emmerde les Français, va trop loin. Bon, ça, à la rigueur, c'est un cadeau pour elle. Donc si elle ne le disait pas, bon, ça serait... Non, mais de toute façon, ils n'ont pas de volonté révolutionnaire, c'est ce que je veux dire, encore une fois. Il n'y a pas de volonté révolutionnaire. Ces gens vont faire les volontés de la classe dirigeante, point barre. Donc, ils vont répéter ce qu'exige la classe dirigeante, que ce soit Le Pen, Zemmour et toute la bande. D'accord? Ce ne sont pas des révolutionnaires. Les révolutionnaires, hein, ils sont agressivement combattus par l'État. D'accord? On ne leur laisse pas la place de jouer les divas là, à la télévision, là, je ne sais pas quoi. Là. Et ce que je constate, c'est quand tu cites de Gibbon pour L'Incorrect ou Usul pour Mediapart, regardez à quel point ils sont convergents. C'est ça ils le truc en fait. Dans le coup d'État globaliste qui est en train de se passer à la faveur de l'imposture qu'est le Covid-19, regardez à quel point les cartes sont rebattues et comment on voit l'extrême droite et l'extrême gauche se serrer la pince quand il s'agit de taper sur les antivax, qui peuvent venir d'ailleurs, c'est frappant, de l'extrême droite et de l'extrême gauche. C'est pour ça que extrême droite et extrême gauche, ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut plus rien dire. C'est complètement caduque. Ces catégories-là ont pu avoir leur pertinence il y a encore quelques années. Aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est soit tu fais les volontés de la caste globaliste, soit tu ne les fais pas. Point barre. C'est tout. Voilà. Et les ultra flippés là du Covid, c'est juste des putain. Mais c'est des gens. Imagine, non mais moi ça me fait d'autant plus marrer avec, je vous assure, hein, moi je regarde les black blocs, des mecs qui sont connus pour être proches des black blocs et tout, ils ont peur d'un virus. comme le Covid-19, je ne sais pas, la peste noire quand même, je veux dire. Les mecs prétendent renverser le capitalisme, hein, tu vois, qui est quand même assez organisé, je veux dire, hein, quand le capitalisme a envie de se défendre, c'est pas rhétorique, hein, je veux dire, c'est des moyens lourds hein, quand même. Hein. Bon, demandez à Julian Assange, hein, quand il a commencé à chatouiller un petit peu les services de renseignement des puissances capitalistes occidentales, ça s'est mal passé pour lui. Hein, donc, bon, voilà, ces gens-là, ils ont peur d'un rhume. Et ils disent que tous ceux qui bronchent sont des complotistes d'extrême droite. Bon, ok. Et vous voyez que ça tourne autour de Main d'Esperance, Conspiracy Watch, Libération Drahi, etc. C'est toujours autour de la même communauté. Il faut arrêter de se mentir. D'accord ? Voilà, donc on sait très bien pour qui ces gens tapinent. J'espère quand même que la lumière va s'allumer dans certains esprits. Mais la réalité, de toute façon, va parler. Voilà, les autres, ils vont continuer, de toute façon. Ils vont pas s'arrêter. Enfin, Macron est un exécutant, Castex aussi, Véran, bien sûr. Mais ils vont aller au bout, et le bout est beaucoup plus radical que tout ce qu'on voit actuellement. C'est-à-dire que si vous vous plaignez du pass vaccinal, putain, les gars, prenez du Smecta, un bon Exomil, parce que ce qui va arriver, c'est 100 fois ça, quoi. Oui, d'ailleurs, j'ai une réflexion un peu sur l'idée d'amalgame, c'est-à-dire que vous savez, quand il y a eu la vague d'actes terroristes, etc., on nous disait pas d'amalgame. Suite au Bataclan, il fallait pas faire d'amalgame entre les islamistes, les terroristes, les musulmans, l'islam du quotidien, ceci, cela, bon. Mais là, maintenant, autour du terme complotiste ou autour du terme antivax, là, on en a un paquet d'amalgame, parce que, sans vouloir, bon, rentrer dans des discussions infinies, mais... dans le mouvement qu'on appelle anti-vax, des gens qui déconseillent cette injection de Pfizer, Moderna, etc. Vous avez quelqu'un comme Christian Perron qui a dirigé la vaccination en France et la gestion des épidémies exotiques depuis des décennies. Donc c'est quelqu'un qui est à fond pour les vaccins en général, sauf que là, il trouve qu'il y a beaucoup trop d'effets secondaires et que ce produit n'est pas sûr, et il le déconseille. Il voit autour de lui qu'il y a plein de gens qui tombent malades, voire qui meurent. Et vous avez le prix Nobel Luc Montagnier, qui est quand même un homme âgé, donc normalement il aurait beaucoup de risques de mourir, qui a pas loin de 89 ans, qui déconseille ce produit. Bon, il a tenu des propos voilà, sur la vaccination, parfois sur le vaccin de la grippe, il l'a déconseillé par exemple, mais c'est pas quelqu'un non plus d'anti-vax fanatiquement. À l'inverse, vous avez aussi des docteurs qui sont beaucoup plus radicaux dans la lutte contre le vaccin. Alors ce que nous, on pense à titre personnel, ça n'a pas véritablement d'intérêt. Nous, on ne fait que renvoyer à des gens en s'intéressant à eux et puis en synthétisant ce qu'ils ont à proposer. Mais je veux dire, ça, c'est un sacré amalgame. Parce que quand on nous dit vous êtes une secte parce que vous êtes anti-vax, mais non, on n'est pas une secte puisque nous, on a parmi nous des gens qui ont des pédigrés très intéressants, mais qui sont pas d'accord sur tout. Et donc, c'est le lieu d'un débat. Et donc, nous, on s'intéresse à ça, etc. Donc, c'est plutôt eux qui sont dans la secte, puisque eux, ils n'ont qu'une solution. C'est vaccin, passe vaccinal. Mais c'est une solution qui ne marche pas, puisque les gens se réinfectent. Il y a des effets secondaires. Mais ils persistent dans leur truc. Donc, qui est le plus sectaire des deux? Moi, j'ai compris qui était le plus sectaire. Bon, mais... Non, mais... De toute façon, d'une manière générale, nous, on a une approche, en dépit de nos idées très tranchées, je veux dire, ce qui nous a amené à questionner le narratif officiel, c'est précisément d'avoir cette espèce de distance critique. C'est ça qui nous a... Moi, c'est ça qui m'a amené à ça. Moi, je suis assez libre penseur. Je sais que ça pourra choquer certaines personnes en disant, ben non, au contraire, il est très radical, très extrémiste. Mais ce qui m'amène sur des positions complètement originales, c'est que justement, moi, j'ai jamais avalé ce qu'on me disait. Je dis pas que j'ai raison sur tout, pas du tout. Mais j'ai quand même ma distance critique. Je me suis toujours réservé ma distance critique. Ça me paraît très important. Je pense que c'est la force d'un homme, une distance critique, quoi. Hein. Et j'ai bien analysé les informations qui me parvenaient. Et je me dis, il y a quelque chose qui colle pas. Et j'étais pas anti-vax, attention. Moi, au départ, je ne suis pas du tout anti-vax. Je ne suis pas un dogmatique anti-vax. J'appartenais pas au mouvement anti-vax, tu vois. Donc, je prétends même pas, d'ailleurs, appartenir à ce groupe. Donc, tout ça pour dire, c'est face à ce vaccin-là que j'ai vu que les choses ne collaient pas. Et j'en ai pas fait un dogme, quoi. Voilà. Alors certains diront oui, mais la mouvance anti-vax, etc. Les mecs sont dogmatiquement hostiles aux vaccins. Moi, j'ai reçu des vaccins dans le passé. Je dis pas que c'est forcément une bonne chose, mais j'en ai reçu à l'école, comme tout le monde, quoi, parce que c'était obligatoire. On les recevait. Enfin, on ne demandait pas. On était des gamins, donc on les recevait. On demandait aux parents l'autorisation, vous savez, ce genre de truc. Bon, les parents, ils signent toujours tout parce qu'ils disent, bah oui, forcément, mon gosse, il doit pas être différent des autres et tout. Mais je n'avais pas de dogme anti-vaccin. Mais dans le contexte actuel, moi, je me suis posé des questions. J'ai très vite compris que c'était instrumentalisé, qu'il y avait autre chose derrière tout ça, que ce vaccin, en fait, était un écran de fumée. Et voilà. Oui, on a annoncé le vaccin, je crois, dans l'émission du 31 mars 2020, quand Bill Gates a dit qu'il n'y aura de retour à la normale que lorsqu'il y aura un vaccin, quand on commençait à parler du Covid et à créer le premier confinement. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, tiens, là, il y a un truc qui se passe et là, on va nous l'imposer. Donc, on l'a dit dans l'émission, bon, ça s'est avéré vrai, mais c'est effectivement, quelqu'un avait mis dans un commentaire d'émission, il faudrait arrêter de parler de vaccins parce que ce ne sont pas des vaccins. C'est oui, vrai que toute injection n'est pas un vaccin classique. C'est vrai que voilà, il faut se méfier. C'est pas parce qu'on vous injecte un truc avec une seringue que c'est un vaccin classique. Tout à fait. Cela dit, je crois aussi que le mondialisme via Google, parce que ça c'est aussi un point évidemment essentiel, parce que les GAFAM sont des gens qui font de l'argent dans leur domaine, mais au-delà de faire de l'argent dans leur domaine, c'est des gens qui se fréquentent, qui se réunissent et qui participent à des projets communs. Google s'implique dans la question des vaccins, Google supprime des données, supprime des médecins comme le docteur Coleman qui a 75 ans, qui a publié 40 livres, qui était connu de presque tous les Britanniques, qui n'a pas le droit de citer, à la BBC, etc. Ses résultats Wikipédia sont supprimés. Bon. On a une guerre de l'information. Et là, les YouTube, Google sont très impliqués. Et d'ailleurs, faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, le docteur Yidon qui pense que c'est une partie seulement des lots de vaccins qui sont très, ou d'injections, si vous préférez, en tout cas de produits Pfizer notamment, qui sont très dangereux. Il existe un site qui s'appelle en anglais, excusez mon accent, how bad is my batch? Et batch en anglais, ça veut dire le lot. How bad, donc c'est à quel point mon lot est mauvais, traduit mot à mot. Donc ça, c'est parce que quand vous avez reçu une vaccination, il semblerait que vous ayez le droit de trouver quel est le numéro du lot par lequel vous avez été injecté, puisque comme ça, s'il y a un problème, il y a une remontée qui peut se faire, etc. Donc il y a un site qui référence quels problèmes sont liés à quel lot. Et d'après Yidon, c'est très spécifique à certains lots. Et ce site, et vous pouvez y avoir accès, mais avec un autre moteur de recherche que les moteurs de recherche Google, parce que Google a censuré le truc. Ah ouais. Bon, alors effectivement, vous pourrez me dire, oui, mais Google aussi supprime des trucs qui ne sont pas des choses sérieuses, donc ce n'est pas parce que ça a été supprimé qu'on met le doigt sur un truc tangible, sur un truc sérieux. Oui, là encore, nous, on n'est pas dans les 100% toutes les certitudes, on n'a pas toutes les pièces du puzzle, évidemment. On n'a pas le niveau d'information de Bill Gates, on n'a pas le niveau d'information de je ne sais qui, de la CIA. On est des simples citoyens qui font des recherches, donc c'est compliqué hein, de faire autrement. Mais, en tout cas, il y a des questions qu'on doit se poser. Messieurs, je voulais soulever un point qui est aussi le fruit d'un sondage. Alors, je sais que les sondages, c'est encore une fois, c'est pas des vérités révélées, c'est pas la Bible. Voilà, on n'est pas censé les prendre pour argent comptant. On n'est pas des croyants, mais ça peut dire des choses. Et là, c'est d'autant plus intéressant que le sondage a été initié par Divizio. Vous connaissez Divizio, hein, c'est le compagnon de route de Philippot, qui est l'avocat de ouais. Raoul. Voilà, l'avocat de Raoult, tout ça, bon, qui n'est pas suspecté d'être pro-vax, quoi, hein, on peut pas dire ça, a publié un sondage sur la question suivante. Alors, est-ce que vous êtes favorable à la fin de la prise en charge de l'hospitalisation des non-vaccinés en France? Réponse, très majoritairement favorable à la suspension de la prise en charge des soins. Alors ça va dépendre des groupes politiques, mais grosso modo on est toujours à plus ou moins plus de 50%. C'est pas exactement réparti, mais le seul groupe qui se détache de ce consensus, c'est la France Insoumise à 75%, c'est-à-dire c'est très très net en défaveur. 75% des sympathisants de la France Insoumise, donc de Jean-Luc Mélenchon, sont opposés à ce que l'on arrête de prendre en charge les soins des non-vaccinés. Ça, c'est à chez prendre... tous les autres comme politique, c'est majoritaire. Ouais, c'est vous dire l'état de ce pays. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, donc on arrête de prendre en charge les non-vaccinés. Donc ils ont accepté le discours sur la non-vaccination. Ils ont accepté le discours. Ils ont accepté le vaccin. Comme ils ont accepté le vaccin, s'ils sont de bons petits élèves qui ont bien suivi ce qu'on leur a dit de faire, maintenant ils se permettent de vouloir d'être des tyrans. Quoi. Donc c'est la majorité, il y a une majorité de gens qui n'a pas peur de pratiquer la tyrannie contre des gens qui sont en bonne santé, qui ne demandent rien à personne. C'est très révélateur. Alors moi, je me déclare aujourd'hui premier mélenchoniste de France. Hein, voilà, comme ça c'est dit. Je suis incarné, on va dire, l'aile xénophobe de la France insoumise, mais je veux dire, ça c'est des, on touche à des trucs de l'ordre de l'anthropologie là. Oui, oui. Moi, je suis désolé. Je veux dire. C'est pas que ça me sidère, hein, je veux dire, l'opposition de la France Insoumise, parce qu'en fait, ils sont... Mais de fait, c'est bizarre, d'ailleurs, c'est même bizarre, parce que les gens de la France Insoumise ne comprennent pas des choses qui sont évidentes, par exemple, en quoi l'immigration ravage la société française, par exemple, alors que ces trucs qu'on peut pas évident, c'est observable, c'est quantifiable, c'est évident, quoi. Mais ben, ça reste des gens qui, d'un côté, gardent un petit... ils aiment bien même les étrangers, etc., mais ils aiment bien tout le monde, quoi. C'est des gens qui veulent être gentils, peut-être. Ouais, hein, c'est peut-être de l'empathie totale. L'empathie totale, donc bon, ça traduit une certaine honnêteté, en tout cas, chez eux. Hein. Bon, on va peut-être pas tuer tout le monde pour le compte de Bifarma, je sais pas, c'est peut-être pas un plan qui est totalement... Alors que chez tous les autres... En tout cas, je suis la moitié chez les autres. Il faut y aller franco, pourquoi pas. Moi, je vous le dis, c'est pour ça que je vous dis, j'insiste, enfin, vous le savez, c'est le covidisme, c'est le grand révélateur, c'est le grand dévoilement. Le vaccin est un rite de passage. C'est un rite de passage qui te fait rentrer. C'est la mer rouge. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est... Et là, donc, tu as la moitié des gens qui y sont passés qui deviennent des fanatiques religieux. On a un nouveau culte avec le bouc émissaire, pour le coup. Enfin, tradition hébraïque. Les règles absurdes, que tu dois t'asseoir à un endroit et interdit de t'asseoir sur une plage, mais tu dois boire assis au bar et pas debout. voilà. On est dans le totalitarisme hébraïque, le plus total, hein, le plus, et vraiment c'est prégnant, quoi. Hein. Ouais. Les règles absurdes, le bouc émissaire. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que le bouc émissaire finit mal en général, en fait. Ça c'est un peu ce que je voulais dire aussi, c'est-à-dire que si vous prenez au sérieux ce qui se passe. Si vous êtes capable d'analyser historiquement le phénomène et que vous allez au bout de la logique du truc, et j'en ai parlé ailleurs, mais j'insiste, on doit finir dans une violence expiatrice contre les non-vaccinés. Aujourd'hui, je ne vois pas comment ça ne peut pas finir en violence d'État contre les non-vaccinés. Je ne vois pas comment ça ne peut pas finir comme ça. Mais ça, je pense que ça va être fait, et que, en gros, enfin, c'est pas en gros, c'est que les non-vaccinés n'auront plus le droit d'aller travailler, plus le droit d'aller faire leurs courses, donc soit... C'est en Italie déjà. Ouais, c'est ce qui se passe déjà en Italie. Donc les gens vont soit se vacciner, soit, ils vont perdre le semblant de vie sociale qu'ils ont, ils vont perdre leur moyen de subsistance. Ils vont pas être beaucoup, je pense, mais bon, il y en aura quand même. Et les gens, tu auras une majorité de gens qui vont monter en grade, hein, au fur et à mesure qu'ils montent en dose, ils vont monter en grade, ils vont monter en fanatisme. Aussi. En zèle. Oui, bah oui, tout à fait. Les zélotes, on en revient encore à la Palestine. Ça va passer comme une lettre à la poste. Ça passera, mais sans problème. Oui, alors tu auras, comme tu as dit, les mecs, peut-être il y aura un Pujadas qui va dire, ouais, mais quand même, c'est bizarre, tout ça. Puis bon, on lui dira qu'il ferme sa gueule. Parce que 6 millions de juifs sont morts dans des chambres à gaz, donc qu'il ferme sa gueule. Qui s'interroge pas trop. Et puis voilà, ça va. Il sera chouardisé, quoi, en gros, quoi. Oui, voilà, oui, tout à fait. Mais ça va se passer. Ça va se passer. Il n'y a pas de raison que ça va se passer. Ça va se passer. Ça va se passer. Le covidisme n'est pas quelque chose, n'est pas un événement comme ça, un épiphénomène. Non, c'est pas fortuit. c'est pas une incompréhension. C'est pas une discussion qui a mal tourné. Non. C'est un épisode historique qui entame une transition. Et la transition. C'est l'hébraïsme total. Exactement. C'est pas le judaïsme, hein. C'est vraiment une société spirituellement sémite. Ouais, total. Avec des impôts, je pense qu'il y aura des impôts sur les non-vaccinés en Autriche. Oh, déjà, les chômeurs ne touchent pas leurs indemnités s'ils sont pas vaccinés. En France, je sais pas où ça en est, mais il y avait des députés, non, c'était pas des députés, des présidents de département qui avaient dit qu'ils voulaient plus verser le RSA aux non vaccinés. Il y a donc le truc des Smadja et l'autre là. Ouais, c'est Abraham. C'est les pénalités. Abraham, quoi. Abraham, il a envie que, je sais pas qu'il a, c'est pas envie, c'est, il exige de toi que quand tu touches ton salaire. Tu payes la sécu, hein, c'est, tu touches pas le salaire net, tu touches le salaire brut. C'est-à-dire qu'il y a, hein, on est venu se servir pour payer, ben justement, Smadja. Hein, ouais, Smadja, il est nègre, hein, faut pas les oublier non plus. Et les nègres, oui, tout à fait, il est nègre. Donc, tout ce beau monde-là qui facture, etc. Donc, non, ça va se faire indirectement. Les non-vaccinés devront continuer à payer la sécu. Et n'avoir le droit à rien. Ils auront le droit à rien. C'est ce qu'on appelle l'altruisme intéressé. L'altruisme, exactement. Non, mais on y est, hein, c'est ça. Mais voilà. Si, ouais, il pourrait. Je crois qu'en Autriche, il faudrait vérifier, mais il avait été question très sérieusement d'un impôt supplémentaire sur les non-vaccinés. Tu me diras, ça existe déjà, oui, voilà, avec le principe de la sécurité sociale. Mais on en est qu'au début. Alors, je sais pas, selon vous, la vie en France et dans l'Union européenne est-elle possible ou il va falloir songer à prendre ses clics et ses claques? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est compliqué à dire parce que maintenant, c'est global. Alors, ouais, c'est vrai que la question, c'est de savoir, c'est des pays qui sont un peu à part, dans quelle mesure, j'ai effectivement, vu qu'il y avait des Allemands qui étaient partis au Paraguay, mais bon. Comprenez bien ça, c'est-à-dire que c'est juif, donc c'est international. Donc, voilà, c'est le coup de poker des juifs. Si cette affaire réussit. C'est les promesses de Yahvé, c'est-à-dire que voilà, c'est l'esclavage total de l'humanité. Ils s'assied, ils mangent, comme dit leur Torah, qui est un texte commun d'ailleurs du christianisme. Ou alors, ça se casse la gueule et nous verrons la plus gigantesque vague d'antisémitisme à laquelle l'humanité n'a jamais assisté de toute l'histoire. Il est évident, selon moi, que c'est la deuxième option qui va se produire. C'est-à-dire que les Juifs pensent être au bord du succès, et ça va se convertir dans le plus grand désastre de toute l'histoire des Juifs. Et j'en parle avec la plus ferme certitude. Les Juifs ne peuvent me présenter aucun rabbin qui aura autant de certitude dans ses paroles que moi. Aucun. C'est une question d'années. Les Juifs vont échouer. Et quand ils vont voir qu'ils ont échoué, ils vont déclencher une grande guerre. C'est leur seule solution. C'est leur seule solution. Ouais, bon, enfin, ils vont peut-être échouer, mais je pense pas qu'ils échouent en France, en tout cas. Hein. Mais il n'y a plus rien rester de la France. Ce sera un pays qui sera concassé. Concassé complètement. Ça va laisser une espèce de... Connaître l'échec, ça ne sera pas ici, en tout cas. C'est sûr, c'est pas la France qui va déclencher les trucs. C'est un ensemble de faits, mais le succès ne sera pas au rendez-vous. Et par contre, dans la démolition qui va s'en suivre, là, par contre, attention au peuple élu qui va se rendre compte qu'il est en ballotage. Messieurs, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine. Hein, je vous dis, hein, voilà, on va souhaiter le meilleur au peuple élu. Souhaitons le meilleur à Abraham. Abraham. Notre patience a des limites. Votre patience a des limites, oui. Notre patience a des limites. Sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. À la semaine prochaine, chers amis. À la semaine prochaine.